êtes dans la zone 89.1. Siffle dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Marie-Laurence Audet sera avec nous pour sa chronique Les loisirs bien plus qu'un jeu. Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle dans son segment de temps de culture et on rattrapera un congé d'hier en faisant C'est un fait et Kinky Sexy Time le même jour. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 22 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Faut dire mardi, faut pas dire lundi. Faut pas se tromper. Parce que je n'étais pas là hier, pas en direct en tout cas. Non, pas en direct. Ouais. Et t'as vu que je travaille sans filet, que je travaille pas sans filet. On peut pas dire que je travaille pas sans filet parce que je lisais tellement mon script que j'ai lu la phrase telle que je l'ai écrite et je cite « Marie-Laurence Audet sera avec là avec sa chronique ». Ah! J'avais écrit ça. C'est bien écrit. Ben oui. Probablement le chat. C'est ça. Le chat qui s'est promené sur ton clavier. T'as passé une belle fête de semaine de Pâques. Oui, une belle fête de semaine, toi. Oh oui. Bon, il a fait. Finalement, il a fait beau. Ouais. Ben c'est ça. Parlons météo. Aïe aïe. Aïe aïe, ce matin, la pluie. Ah. Le coupe-vent, c'est pas assez. Le coupe-vent, c'est pas assez. Puis mes yeux collés non plus. Ouais. On dirait que tu me fais des clins d'œil, mais vraiment, c'est pas ça. Si je prends ça comme ça et que je te saute dessus, ben ça serait Kinky. C'est ça la faute de Kinky parce qu'on est mardi et mardi, ça veut dire Kinky. Mais étant donné qu'on n'était pas là hier, pas en direct, ben c'est un fait, n'a pas eu lieu, donc on va le faire aujourd'hui. On va faire les deux. Et moi, je suis énervé. C'est tellement excitant. aussi, autour de ça, évidemment, Marie-Laurence Audet, vous savez, la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, c'est elle qui fait sera avec là, avec ça. Oui. Donc, ça, c'est à 8h. Ensuite, juste après, on va faire la chronique de la GQTR, comme on le fait quand elle est avec nous. Alexandra Carignan, à toute fin d'émission pour le temps d'une culture, des arts, du spectacle, des choses comme ça. Ben oui. Ça va être une belle émission bien divertissante, une fusion du lundi et du mardi, mais le lundi a tellement rien que ça paraît pas pente. Évidemment, c'est un fait. C'est ça, c'est un fait. Oui. Le seul morceau du lundi qui nous reste. Et voilà. À nous mettre sous la dent. Absolument. Donc, ça va être une belle émission aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 9h30, bien sûr. Ça va être évidemment Kinky qui va débuter l'émission parce que c'est sa case. C'est sa case. Voilà. Ben, depuis récemment, mais c'est sa case. on écoute Tough Meats. Oui. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone de la semaine passée. Donc, les voici avec Crust and Crumbs en position numéro 17. Ça se passe maintenant à Assemblage requis. Crust and Crumbs. Crust and Crumbs. Des croûtes puis des miettes. Mm-hmm. Ça, on dirait des becs. Encore là, c'est vraiment là, tes signaux aujourd'hui. Tes seins? Tes seins. Tes seins aujourd'hui sont très pointilleux. Only contributes to lies. Insinuations of beta emasculate. Alpha's just a term for you. Ordinary chance. I'll be a vision of living in sin. If you tell me if it's into the hive. This living liquid is livid with estrogen. And nothing ever seems to make sense when you did rhyme. I've ever requested to take a hotline. Line. I swash your guilt and keep it in mind. Mind. A solid dollar in the barrel is all mine. I feel my since he played the sad pipe. I'm pushed in a box is by the great chain. Tries searching for answers is a waste of my time. Suggesting answers is a waste of your mind. Pas encore réussi à déterminer à quoi ça ressemble. On a toutes les ouais. une piste, mais. Ben, on a une piste inconnue, mais on sait que ça ressemble à quelque chose. C'est ça. Tough Mitch, Crass and Crumb. Si vous vous rappelez, là, la voix, c'est supposé oui. ressembler à qui, là? Mais contactez-nous, hein. Oui, assemblagerequis.com. Tous les mardis, la première chronique sur le bord de la, du bord du lit, sur le bord de venir. C'est Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Bien moi, je sûr. Le suis. Tu l'es? Oui. Ah oh, oui? Oui, monsieur. Ben, montre-moi là. on nous dit, selon une étude, qu'on a plus de chances d'orgasmer si nos pieds sont au chaud. OK. Je sais pas, c'est une étude comme ça, que ça m'a coûté de l'argent. Oui. Si t'as les pieds au chaud, t'as plus de chances d'orgasmer que si t'as les pieds au froid. À pied froid, pas de... plaisir tu auras. Voilà. Oh, wow. L'odeur qui éveille le plus les émotions chez les hommes, dans le fond, qui les allume. Qu'est-ce que c'est l'odeur, la senteur qui les allume le plus? Le bacon. Ah, le bacon, ça n'arrêtait pas pire, ça. non, en fait, c'est la tarte à la citrouille qui augmente le flow, hein? Qui augmente le débit, si on veut, de sang dans l'engin masculin de 40% en moyenne. La wow. tarte à la citrouille. C'est pour ça que l'Halloween, c'est si populaire et que les filles, c'est de plus en plus court ce qu'ils mettent à l'Halloween. C'est ça. Trouille, il y a... Citrouille. Peur, etc. Ouais. Non, mais c'est le fun que dans une citrouille, il y a des graines. Hein, bon. C'est trop facile. Le gingembre va stimuler l'excitation associée avec le sexe. Donc, comme on dit, c'est quoi le mot qu'on dit pour ça, aphrodisiaque? Donc, manger du gingembre, ça va élever votre battement de cœur. Je sais pas si le beat est moi. Ben, c'est pas grave. La sexomnie, est-ce que tu connais la sexomnie? Sexomnie? Sexomnie. Ah, sexomnie. Calomnie! Parce que j'étais pour dire sexo-omni, c'est comme sexe omniprésent partout. Ah, bon, voilà. Ben oui, c'est Au ça. Au 7 secondes. Ben oui. Non, la sexomnie, en fait, c'est une condition où les gens qui sont en train de dormir vont participer à des activités sexuelles. On a déjà un petit peu entendu parler de ça. Dans une étude en 2007, on disait que la sexomnie affectait 7,6% des gens. Je trouve ça très élevé. Quand même, oui. Les gens qui se lèvent, ben, tu sais. Qui dorment puis qui se lève. C'est ça. Oui. les sous-vêtements de Madonna se sont vendus 15 000 $ à une personne qui a fait une mise anonyme lors d'une enchère en 1991. OK. 15 000 bidus. Ça fait cher payer pour... j'espère au moins que c'est des grosses bobettes. Là. Je sais pas, de grand-mère. Oui. Avec les élastiques. Ben, d'élastiques. Ah oui. Il y a une condition très commune chez les animaux. OK. Si l'humain l'a, il peut se mettre à éjaculer 30 fois par jour. Qu'est-ce que c'est? C'est la rage. Oh, mon Dieu. La rage qui est supposément associée avec les ratons laveurs, les chiens sauvages, évidemment la mousse sur le bord de la bouche et quelques effets secondaires chez les humains. La rage va causer des attaques violentes dans le système nerveux. Nerveux, oui. Et va causer, pas causer en fait, des érections, suivies de spasmes éjaculatoires incontrôlables. OK. Ça donne envie. Selon les auteurs du livre Rabid, A Cultural History of the World's Most Diabolical Virus, il y a eu des études de cas à travers l'histoire où apparemment il y avait un homme en particulier qui avait été infecté par la rage et qui s'est mis à éjaculer 30 fois par jour. Mon Dieu. Wow. Et ben. Frais aux 30 minutes. C'est gratuit, tout ça. Oh, yeah. La légende qu'est Roger Ebert. Tu sais, il est décédé il y a quelques années de ça. Roger Ebert, le critique de film qu'on voit sur toutes les pochettes de DVD, sur les affiches de films, souvent avec son two thumbs up avec son ami George Siskel. Et plus récemment, c'était Roper. Richard Roper. Bref, Roger Ebert, qui a inventé le terme two thumbs up avec George Siskel, a commencé en faisant des critiques de films de pornographie. OK. Ouais, c'est ça, j'essaie de le sortir correctement. Ouais, il critiquait des films de pornographie à sa belle époque. Entre 1960 et 1970, Roger Ebert a critiqué plus de 30 films pour adultes, dont Faster Pussycat. OK. Kill Kill. En 1965, I, A Woman en 1967, Vixen en 1969 et Camille 2000 en 1969. Là, au lieu d'avoir un sticker avec deux thumbs up, c'était il y avait trois thumbs up. Ah! Oh! Hey! Oh! Two thumbs up, mais ça vous dit pas où, tu sais. Bon, oui, donc, les films côté X à l'époque étaient considérés comme qu'il n'y avait pas de valeur sociale. Et on leur donnait cette cote-là, X, pour signifier ça. Le fait qu'il ne fallait pas que les parents laissent leurs enfants le voir, voir ces films-là, c'est qu'il y avait des scènes de nudité, de la violence et des trucs comme ça, tu sais. Oui. Des affaires. Il y avait plus que juste du X. Mais après ça, c'était une gamique que le système, l'industrie du divertissement pour adultes a capitalisé là-dessus en faisant des films 3X. Aha. Parce que dans le fond, X ne voulait pas dire que sexe, mais 3X, là, voulait dire que sexe. Donc, c'était un problème qu'il y avait et on a introduit la MPAA qui s'occupe des codes de films. On a introduit la cote NC-17 et Ebert, Roger Ebert, était un des pionniers qui a clarifié cette situation-là pour le public général en discutant donc du système des cotes avec la MPAA pour réussir à défaire tout ça un petit peu et remettre ça sur pied. Wow! Très bien. Roger Ebert, two thumbs up! Est-ce que tu sais ce qu'est un dendrophile? Un dendrophile? Ouais. Si t'écoutes bien comme vous les chroniques, là, on l'a déjà dit. Un dendrophile. Des fois, ça peut m'échapper, tu sais. Un parmi tant d'autres. Ben oui, c'est ça. Dent. Dent trop. Une dent de trop. Puis fil. Comme fil doucette. Oui. Non, donc le terme pour quelqu'un qui est sexuellement attiré par les arbres, c'est dendrophilie. Ah oui? Dendrophilie. Donc, ça veut dire l'amour des arbres. C'est communément utilisé pour faire référence à une paraphilie. Paraphilie, on sait, c'est quelque chose qui est juste différent de la norme, attiré par quelque chose d'autre. Donc, les gens sont sexuellement attirés ou même allumés complètement par des arbres. Ça peut demander donc un contact sexuel avec les arbres ou juste vénérer les arbres comme un symbole phallique. Eh ben. J'en ai quelques autres en bas de la page, je pourrais peut-être les lire aussi. Je vais essayer de trouver ceux qu'on n'a pas vraiment fait. En fait, je pourrais les faire au complet, puis même si on les a fait, c'est pas grave. Agalmatophilie, c'est les statues mannequins et l'immobilité. OK. L'apotemnophilie, c'est les amputés, mais en fait, vouloir être amputé soi-même. OK, ça se peut. Ça se peut, ça. L'otagonistophilie, c'est être sur scène ou devant des caméras. L'otassassinophilie, c'est être dans une situation qui menace ta vie. Okay. La dacryphilie, c'est les arbres ou pleurer. Ça peut être les deux. Moi, je pensais que c'était avec un daiquiri. Daiquiri? Ben oui. Le petit drink? Oui. Ben oui. L'hémétophilie, c'est le vomi. D'accord. La formicophilie, c'est être attiré par les insectes ou se faire piler dessus par les insectes. Pyrophilie, là, on sait, c'est le feu, pyromane, etc. Et vorariophilie, c'est l'idée de se faire manger ou d'être mangé par d'autres. De se faire manger ou... ouais, c'est ça. Vorare. Oh, Philly. Aïe. Un homme, parlant de aïe. Un homme s'est tiré en plein dans l'engin, toi. Oh non. Geronimo! Narcisco, un homme de 37 ans des Philippines, s'amusait, buvait avec ses amis. A retiré donc de son truc à pistolet un fusil de calibre .22. Fabriquer maison, donc je sais pas trop comment il a fabriqué ça, mais ça se fait, fabriquer des fusils apparemment. Il a tiré quelquefois dans les airs, il était sous évidemment. Donc Narciso a remis son fusil dans sa poche parce que ses amis lui ont supplié d'arrêter ça. Et quand il a remis son fusil dans son pantalon, les enquêteurs de la police croient qu'il a accidentellement tiré sur la gâchette et ça a tiré dans son appareil génital. Narciso est amené à l'hôpital très rapidement et a été prononcé mort à son arrivée. Oh oh! Triste, hein? C'est ça l'alcool! Tu peux te tirer dans l'engin. Ah! Avec un autre engin. Ah. Et un gun. une autre chose phallique. Un homme, parlant de gaffe ici, un homme qui s'est pris l'entrejambe dans un toaster, un grille-pain. Hein, imaginez commencer de se faire emprisonner l'engin en quelque part sans qu'on le veuille. C'est ce qui s'est passé avec un homme de Londres qui a appelé les pompiers en fait pour l'aider à se débloquer d'un grille-pain. Les pompiers savent pas comment l'incident a eu lieu. J'ai glissé, hein. C'était bête. Il était là, puis j'étais tout nu, puis hop! Colin, tu sais, je venais de me faire une toast aux bananes, puis j'ai glissé ça à peu. Ouais, ça, oui. Donc, les pompiers ont pas dit c'était qui, ont pas dit comment ça s'est passé, mais ils voulaient quand même que l'histoire devienne publique pour que les gens arrêtent d'avoir des relations sexuelles avec leurs appareils de cuisine, leurs petits électroménagers. Selon les pompiers de Londres, le nombre de gens qui se font prendre l'engin masculin dans un objet inhabituel n'arrête pas de monter, le nombre de gens. Certains pompiers croient que le roman Fifty Shades of Grey est à blâmer pour l'augmentation, parce qu'il y a plein de choses super kinky dans ce livre-là. Depuis les trois dernières années, les pompiers de Londres ont été appelés à régler plusieurs cas. Il y a eu 18 fois où un enfant avait sa tête, dans le fond, dans un siège de toilette. Dans un siège de toilette. 79 personnes prises avec des menottes et 9 hommes qui avaient une bague ou un anneau autour de leur engin masculin. Et aussi 4 incidents où les gens avaient leurs mains prises dans un malaxeur. Eh ben. Un blender. Je sais pas trop. Il me semble que c'est bizarre, un blender. Mais ça, c'est pas kinky, le blender. Non, tu trouves pas? Mais je sais pas. Je sais pas. Ça dépend. c'est intense, en tout cas. Oui. C'est coupant. Oui. Comme on dit. Memory intercourse, les relations sexuelles entre les seins. C'est très populaire dans pas mal de pays, en fait, sûrement dans pas mal tous les pays. C'est évidemment l'action de mettre son engin entre les seins de la femme. Entre deux nénés. Entre deux nénés. et faire des mouvements de va-et-vient pendant que la femme, ben, c'est ça, va squeezer tout ça. Ouais. Bref, on appelle ça aussi bon du titty fucking, on va se le dire bien honnêtement, tit job. Par contre, dans les autres cultures, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est ça le fait que je voulais vous dire aujourd'hui. L'acte de mettre son engin entre les nénés s'appelle à l'espagnol. Donc, c'est espagnol en Italie, en France et au Portugal. C'est cubain, entre guillemets, en Espagne. C'est French roll, Dutch, donc hollandais ou russe aux États-Unis. C'est turc en Argentine et c'est French fuck au Royaume-Uni. Eh ben. Donc, dépendant du pays, des fois, c'est français. Ça change de pays. C'est un peu bizarre. Dépendant du pays, ça change du pays. C'est comme les traductions où il y a un personnage qui est espagnol. Ben, alors, la version espagnole, ça va être un français, etc. Ouais. Ils vont tout à faire la conversion comme ça. Mais on dirait qu'ils ont fait la même chose pour le titty fuck. C'est peut-être au Japon. L'industrie du sexe japonaise utilise le terme paizuri. Paizuri. Memory intercourse, donc selon Alex Comfort, l'auteur du livre Joy of Sex, ça produit un orgasme mutuel donc chez les femmes qui ont les seins très sensibles. Et c'est aussi un des 9 exercices substituts pour des activités sexuelles pénétratives, donc détaillé par ce qu'on appelle le paradis charnel de 1903. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Le paradis charnel, volume 1. Volume épisode 1. 4. Les seins à la vue était à la mode pendant la Renaissance. Pendant l'ère de la Renaissance, c'était considéré acceptable pour les femmes de porter des robes qui montraient, qui exposaient leurs seins, vraiment, c'est la craque vraiment très très basse. Donc montrer ça, le décolletage, comme on l'appelle, du haut du torse de la femme entre le cou et entre la taille. Bref, cou, épaules, dos et poitrine, tout ça était exposé. Par le col de ses vêtements. On considérait ça donc conservateur et acceptable à l'époque. Au 14e siècle, les cols, comment est-ce qu'on dit ça, le neckline, genre le V-neck, si on veut, bref. Le décolleté a baissé, les vêtements étaient de plus en plus serrés et les poitrines étaient de plus en plus montrées. C'est pendant la période de la Renaissance que le corset est né, d'ailleurs. Les seins étaient donc poussés vers le haut, poussés ensemble, l'un contre l'autre. J'ai pas besoin de faire le mythe. Et moulés. Et moulé avec des décorations qui accentuaient les seins au maximum. Pendant le 16e siècle, la mode chez les femmes, donc avec des seins exposés, était très commune, très normale. On allait des reines qui faisaient ça jusqu'aux prostituées les plus communes, et tout ça était imité par toutes les autres classes. On dit que c'était donc dans les cercles de la classe plus élevée, les cercles aristocrates. Montrer ses seins à cette époque-là, c'était vu comme un symbole de statut, un signe de beauté, de richesse et de position sociale. Par contre, on disait que c'était trop risqué à l'époque de montrer ses chevilles. Ah ben oui. C'était beaucoup trop pervers. Oui. Donc, ça date pas d'hier, le fameux trompe-l'œil. Et on les remercie. Oui. Non, non, c'est sexiste, ça. C'est mais sexiste, oui. On dit Mathieu. Pas ça. Oui. Une nouvelle étude a été faite en profondeur. En profondeur. Sur la moyenne des corps, des grandeurs, des poids, des noms, des positions, des apparences et des couleurs des vedettes de la porno. Au-dessus de 10 000 vedettes de porno ont été étudiées. OK. Uh-huh. L'étude utilise ce qu'on appelle, en fait, ce qui est quand même assez connu, c'est une base de données créée en 1981 par un Hollandais, Peter Can Arel, qui enregistre et ramasse et collectionne les données sur la pornographie. Donc, il s'est regroupé avec d'autres chercheurs du X, du domaine du X, et ils ont développé l'International Adult Film Database. Un site web qui ramasse les données sur les performeurs de la pornographie. Donc, en utilisant toutes leurs ressources, ils ont réussi à un petit peu abattre le mythe de la big tit blonde porn star. Tu sais, porn star blonde avec des gros seins. Donc, en fait, ça montre qu'en moyenne, une vedette de pornographie féminine fait environ 5 pieds 5, 118 livres, 34-24-34 et un B-cup pour la brassière. On dit donc que c'est... Le top, il y a aussi le top 10, allez voir la source, mais le top 10 des noms de vedettes de pornographie chez les hommes et les femmes. Quel est le nom de femme le plus, en moyenne, le plus populaire dans la pornographie selon toi? Ça finit par A. Non. Non. Ça n'arrêtait pas pire. C'est un I. Un I, oui. C'est pas Candy. Ouais, ça aurait pu. Ou Shandy. Shandy. C'est Nikki. Nikki. Nikki, c'est cute. Chez les hommes? Tony. Tony. Non, c'est très simple, c'est un nom très très commun. David. David. David. Eh ben. Nikki et David se trouvaient seuls. David se vide. Le tout nouveau film. Il y a une tribu au Pakistan qui a des coutumes assez particulières. La coutume du peuple Kalash au Pakistan est particulièrement étrange. Leur festival du Boudoulak. Boudoulak. Boudoulak. Boudoulak. Boudou avec un D. Boudou. Boudou. C'est à côté du point du lac, là. Boudou. Oui. Donc, c'est le roi des shepherds. C'est le c'est comme des moutons, là. Le berger. Voilà. Ouf! Donc, ça commence avec un garçon prépubère fort qui est sélectionné pour voyager dans les montagnes. Il va vivre avec les chèvres pendant un été au complet. Pendant qu'il est là-bas, on s'attend à ce qu'il survive seulement sur du lait de chèvre et qu'il devienne très, très, très fort. Quand le festival arrive, le festival du bout du lac, le garçon a le droit de redescendre la montagne et pendant les 24 heures qui suivent, le garçon a le droit de choisir n'importe quelle femme avec qui il va avoir des relations pendant une journée complète. Et même les femmes mariées et les vierges sont incluses. Ah, c'est un tout inclus. Tout inclus. Un tout inclus. Il l'a choisi parce qu'elle est un inclus. C'est le bout du lac. Donc, si un enfant est né pendant cette période, pas pendant cette période-là, mais s'il est né à cause de cette période-là, l'enfant est considéré comme béni. Okay. Hein, des dieux, non pas le restaurant. Hein? Donc, la pratique... béni. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, la pratique a amené tellement d'attention à ce peuple-là que les Kalash disent avoir abandonné la coutume depuis les dernières années, mais tu sais... On peut bien dire ben des affaires. Ben oui. Ça veut pas dire que c'est vrai. Partir un an pour une journée complète de... Mm-hmm. De... De bout du lac. Oui, bout du lac. Voilà pour Kinky Sexy Time. Oh. C'était court, bref. Mais ô combien... Jouissif. Jouissif, je veux dire satisfaisant, mais bon, chacun son barème. Ouais. On fait Kinky Sexy Time les mardis à Assemblage Rocky. Maintenant, on retourne en musique, on va entendre Jacques Maure et leur nouvelle entrée du côté francophone, bien sûr. Elle s'appelle Paris P. On l'a entendu une fois la semaine passée, on l'a bien aimé. Juste après, ce sera Marie-Laurence Audet avec sa chronique Le Loisir bien plus qu'un. C'est à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées sur CIF. Car vous partez. Jacques Mort. La pièce Pierre, Père Hippie, pas Pierre Hippie quand même. Au retour, Marie-Laurence Audet. Pas Marie-Pierre non plus, Marie-Laurence. Mais et oui. Les loisirs, bien plus qu'un jeu. Ah ouais. Téléfuck. C'est fou dans tes oreilles. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce mardi 22 avril 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oh oui, après un beau petit bloc super kinky, sexy, titty fucky, on s'est amusé, mais là, ça va être le temps des choses sérieuses. Jouons. N'est-ce pas, Marie-Laurence? T'es sérieuse, toi? On joue. On joue. Et elle parle bien. Je pense que le long congé, maintenant, l'empêcher de... De parler. Correctement. On va se le dire. On va se le dire. Tu sais plus parler. Ben là. Ben oui. C'est quoi ton intro déjà, toi? Tu ah oui. Ah oui. Celle-là ici. Non, non. Oh, c'est proche. Oui. Comment proche? Oui. Oui. Hey. Tweet, tweet. Il me manquait un petit peu de trémolo. Oh oui. C'est Marie-Laurence Audet et le loisir bien plus qu'un jeu. Ça fait 3 semaines qu'on t'a pas parlé, Marie-Laurence, si je me trompe pas. 2 semaines plus une semaine de plus. Ouais, c'est une semaine bonus. C'est vrai, mais on va te voir 2 semaines de suite. Ouais, je me reprends en grand. C'est génial. Et aujourd'hui, tu nous as préparé une chronique au crayon permanent. Donc, c'est une chronique qui va rester dans les annales. Il n'a pas décroché de l'autre chronique d'avant. Lui. Non, mais en fait, c'est ça. Plus on monte dans le temps, plus les plus je monte d'en bas. Hein, oui. nos chroniques sont cumulatives. Okay. Là, on a commencé à Kinky. Fait que tout le reste de l'émission, c'est Kinky. Là, après ça, ça va être le loisir plus qu'un jeu. Donc là, on va continuer à jouer tout le reste au Kinky. Parce que le loisir, ça inclut le sexe. Oui. Bien sûr, c'est du divertissement, ça. Exactement. Voilà. Tu sais, dans nos cours, là. Ouais. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Marie-Laurence? Aujourd'hui, j'ai 3 sujets que je veux aborder avec vous. Et oui, je me reprends grand par mon retour. Donc, premièrement, je voulais souligner quelque chose. La semaine dernière, le 15 avril, c'était la première édition de la Journée nationale des techniciens en loisirs. Ah. Pourquoi je décide de l'aborder à travers cette chronique-là? Ben, en fait, c'est pas un hasard. Prenez ces loisirs, ça a bien du sens. Ben, c'est des chroniques sur le loisir. Puis, de temps en temps, je vous ai parlé des différents professionnels en loisirs. Et un des professionnels en loisirs qui existe, c'est le technicien en loisirs. Puis, la semaine dernière, comme je disais, c'était la première édition de la Journée nationale des techniciens en loisirs. Ça a été une initiative qui a été partie par l'ensemble, par la table intercollégiale des enseignants des départements de techniques d'intervention en loisirs. Et c'est le cégep de Rivière-du-Loup qui a pris, si on veut, le chapeautage du projet, qui, à leur manière, se sont dit, on va s'occuper de faire en sorte que la profession soit plus visible, plus connue, plus reconnue. Et là, ça l'a fait boule de neige dans le réseau. On a vu sur les réseaux sociaux les photos de profil des différents techniciens en loisirs. C'est une photo... Toi. Entre autres. Mais c'est une photo qu'on rajoutait, une photo de nous-mêmes avec notre année de graduation. Et il y avait dessus « Affiche-toi ». Alors là, les gens se demandaient pourquoi dans leur actualité, il y avait plusieurs personnes qui avaient ce concept de photo-là. Et ça l'a fait jaser. En fait, c'est justement pour mettre en évidence la profession. Parce qu'en loisir, c'est une jeune science, c'est une jeune profession. Et souvent, on est non seulement... mal connu, mais souvent mal reconnu. Mm-hmm. Parce que vu qu'on intervient dans le secteur... le fun, la vie des gens. Plaisir, oui. On n'est pas une job 9 à 5, on n'est pas une job de bureau. On est comme rentré dans l'acquis des gens, dans leur quotidien. Fait que souvent, ils prennent pour acquis un peu notre profession sans se rendre compte que c'est réellement une profession. C'est facile de chialer quand un des cours est annulé, par exemple un cours de soccer ou autre, mais on ne voit pas tout derrière l'espèce de programmation, l'espèce de préparation. Donc, c'est une façon de mettre de l'avant notre profession. Très bien. Et pour cette occasion, c'est ça dans le fond. Il y a aussi des gens qui ont écrit sur le sujet, qui ont mis de l'avant des articles et tout. Puis on mettait de l'avant, ça serait quoi une société sans un technicien loisir? C'est certain que là, je vais parler du technicien loisir parce que c'est la journée du technicien loisir. Mais ça englobe entre autres les récréologues, ça englobe plusieurs autres domaines connexes parce qu'on fait souvent partie d'équipes multidisciplinaires et souvent même on a des titres différents à travers les différentes organisations où on travaille. Puis, on disait à travers les textes, ce serait quoi une société sans les loisirs? Parce que, comme je disais tantôt, on le prend pour acquis. Fait qu'on voulait un des moyens de prévention qui a été mis de l'avant, mais finalement, on ne l'a pas fait, là, mais on jasait. Mettons qu'une journée, la Journée nationale des techniciens loisirs, on fermait tout ce qui était en lien avec les loisirs dans une ville. À quoi ça pourrait ressembler pour que les gens réalisent l'impact, puis l'influence, puis la place qu'on occupe dans la communauté? Certaines mauvaises langues diraient ben, ça ressemblerait à Trois-Rivières. Mais c'est faux. On est quand même la capitale du festival de poésie. Ben oui. Capitale mondiale. Internationale. Worldwide Federation. Ils sont tout seuls dans la course, mais nous. Faut pas le dire. Puis, c'est ça, ça mettait de l'avant que si, par exemple, on n'avait pas personne qui intervenait dans le milieu du loisir, ce serait quoi, par exemple, sans aucun cours offert pour les enfants? Tu sais, des cours de danse, des cours de soccer, des cours de hockey, peu importe. Aucun centre sportif, aucune piscine pour un bain libre, aucun festival, aucune programmation culturelle, aucun. Tous les aspects. Touristique aussi, tu sais, qu'on met de l'avant différents parcours pour faire connaître l'historique de la ville et tout. Il y avait 1 million d'exemples, puis c'était intéressant parce qu'on voyait à quel point on intervient dans tous les secteurs, puis à quel point les gens ne s'en rendent pas compte. Fait que je voulais mettre de l'avant que la semaine dernière, ça a été un grand succès. On a vu par cette journée-là, comme je disais tantôt sur les réseaux sociaux, Affiche-toi et tout, qui a fait jaser. Puis on a aussi vu le cégep de Saint-Laurent qui a mis de l'avant avec sa technique en loisir, qui a profité de l'occasion pour lancer son association des diplômés de la technique en loisir. Donc, tous les milieux se servaient un peu de cette journée-là, des fois pour soit faire un gros boom ou encore faire connaître la profession à travers leur organisation. Parce que vu qu'on travaille dans des équipes multidisciplinaires, par exemple dans une école secondaire, quand tu as un technicien en loisir ou un récréologue, ben t'es tout seul. Fait que on fait pas genre « Wouh! » un party d'employés de tout staff seul. En loisir. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est cette journée-là, c'était vraiment de mettre l'emphase sur cette personne-là. Parce qu'en fait, en loisir, c'est une première, parce qu'on n'a pas d'autres professionnels et tout, contrairement à d'autres professions. Mais dans plein de milieux, ils reconnaissent une fois ou une semaine par année la profession, ils mettent de l'avant les bienfaits. Donc voilà, c'est à notre tour en loisir. Mais je suis sûr que même une personne seule dans cette job-là a tellement d'énergie comme toi, t'as tellement d'énergie que tu serais capable de faire ta propre fête et d'avoir du fun avec toi. Oui, on est capable de faire notre propre fête, mais c'est plus dur de montrer l'impact qu'on a à une personne, à une organisation, par exemple, de 2000 personnes, comme une école secondaire, contrairement à si on était une équipe de 150 profs. C'est plus ça que je veux dire. On est capable de le faire. Mais moi pas au défi. Hey, Colin, vous l'avez pas vu. Elle est en forme, la fille. OK, oui. N'est-ce pas? Alors ça, c'était le premier aspect que je voulais aborder, que la semaine dernière, c'est la première édition de la Journée nationale des techniciens en loisirs. Donc, on espère que ça va continuer d'année en année et que à un moment donné, ça en devienne une tradition, que les gens aient hâte à cette journée de partir. Journée fériée. Journée fériée. Pour faire du loisir. Oui. Oh, ça serait parfait. Puis le lendemain, il faut un congé. Parce que pour s'en remettre. Exactement. Donc, c'était le premier aspect de ma chronique. Deuxièmement, en fait, je voulais vous informer qu'il existe dorénavant le prix du premier ministre pour le bénévolat. Non. Donc, c'est pas la première édition, mais cette année, ils en ont plus jasé que les autres années. Et vous, à la maison ou dans votre voiture, qui vous dites hey, « moi aussi, je fais du bénévolat. Hey, ça vous concerne. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir juste dans le milieu du loisir. En fait, vous avez jusqu'au 9 mai pour soumettre votre candidature ou soumettre la candidature d'une personne que vous connaissez, qui donne de son temps, ou une organisation, ou un organisme sans but lucratif, qui mériterait de gagner, si on veut. Il y a bien de l'argent en jeu, parce que le premier ministre, il est riche. Non, mais on a un prix de 5 000 puis un prix de 10 000 qui sont des prix assez remarquables. Considérables. Mais donc, oui. Je les prendrais. Ben, okay. Voilà. Les deux. Ouais. Les deux. Peux-tu gagner les deux? Sûrement pas. Mais non, je peux pas. Parce que je m'occupe de l'annonce à la radio. Ah ben. J'aurais compté les détails. Puis, ce qu'il disait, dans le fond, c'est que c'est pour souligner le bénévolat, pour souligner, promouvoir la culture de cette générosité-là, parce qu'il disait qu'il y a plus de 13 millions de Canadiens par année qui font du bénévolat, ce qui équivaut à un total de plus de 2 milliards d'heures par année de dons de soi de bénévolat. Et ça, c'est remarquable parce que ça a une valeur monétaire, une valeur de temps, une valeur de la société. Sans ça, il y a bien des choses qui ne rouleraient pas, dont le milieu du loisir. Mais comme je répète, le concours, le prix n'est pas juste pour ceux qui interviennent dans le milieu du loisir, mais tous ceux qui font du bénévolat. Ce qu'il donnait comme description, c'est soit que vous inscrivez une personne qui donne de son temps, de l'énergie, de l'expertise, un organisme sans but lucratif qui fait des actions novatrices qui, dans le fond, aident à améliorer la qualité de vie des Canadiens, parce que c'est pour le Canada, ou encore une entreprise qui est socialement responsable, qui renferme... c'est quoi qu'il disait? Ah oui, qui a un impact sur les collectivités. Donc, entreprise, organisme sans but lucratif ou une personne, vous aurez la chance de gagner 5 000 ou 10 000 $, qui sont les prix régionaux ou nationaux. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire quelqu'un qui est trop gêné pour le faire et qui ne se rend pas compte des bienfaits qu'il fait par son bénévolat. Donc, c'était ma deuxième annonce. Ah oui, pour avoir plus d'informations, je vous donne le site à l'instant. Au crayon, à vos papiers, à vos iPads. C'est le www.pmpourpremierministre.gc.ca/prix. Prix. PRIX. PRIX. Génial. Tantôt, j'ai fait une blague sur Benny, le restaurant avec le poulet. Oui. Ceux qui font de bénévolat chez Benny, ils font de la bénévolaille. La bénévolaille. C'est de la volaille. La volaille, merci. Benny. Merci. Wow. Bénévolaille. Elle était bonne. Merci. Oui. Donc, je répète le site pour ceux qui ne l'auraient pas entendu parce qu'il y avait... Il riait trop, ben oui. Il riait trop. Donc, www.pmpourpremierministre.gc.ca/prix. GC pour gouvernement du Canada, c.ca pour Canada, / prix pour un prix. Hey, hey! Voilà. Troisième partie, troisième tiers, troisième portion. Oui, donc là, je reviens un peu comme à l'habitude, je vous en apprends sur le loisir. Oui. Donc aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, comme les autres, c'est une intro, là, c'est une petite pub, je suis commanditée maintenant. Je suis rendue big. Oui. Yeah. Mais je voulais vous parler de comment bonifier vos activités par une interprétation dynamique du milieu. Ça a l'air bien gros comme titre, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens, de plus en plus, en tant que touristes, ils cherchent non plus à être juste spectateurs, mais à participer à l'expérience. Avec le héros. Exactement. L'expérience dont vous êtes le héros. Ben, c'est le bon, touriste, oui, dont vous êtes le héros. Allez à la page 4. Giling, giling. Puis, les activités d'interprétation, ils vont impliquer le touriste par sa participation. Ils vont transformer ce passage-là en expérience, comme je disais tantôt, plutôt que juste en élément qui se déroule devant eux. Donc, ils font partie du show. C'est un art qui est accessible par qui veut, parce que tu peux adapter dans n'importe quelle organisation cette façon de faire les visites-là. Puis, c'est vraiment en hausse. C'est vraiment une augmentation de la demande à ce niveau-là, mais aussi, c'est sans cesse en réforme, sans cesse en nouveauté. Les gens n'arrêtent plus de se rénover, mais de se... Innover, peut-être? Ben, un peu d'innover, ouais, là-dedans. Là. Il n'y a pas de limite à comment tu peux intégrer les gens. Fait que, voilà. C'est qu'ils essaient de se réinventer. Ah, c'est voilà. Exactement ça qui était écrit. J'ai eu avant, toi. Juste puis, avant. L'aspect d'interprétation, c'est un mélange de divertissement puis d'apprentissage qui est ce que les gens recherchent. Donc, en loisir, on s'arrange pour que les gens aient du plaisir, se divertissent. Mais de plus en plus, il y a un côté éducatif qu'on veut aller chercher et qui gagne aussi en crédibilité pour dire on ne fait pas juste jouer pour jouer, mais à un moment donné, il y a des compétences qui se développent derrière ça. Plus qu'un jeu, comme dit le titre de la chronique. Exactement. Puis, on voit beaucoup cet aspect d'interprétation-là pour les touristes dans le secteur de la nature, naturelle et tout, parce qu'eux, ils veulent des expériences sensorielles, fait qu'ils vont aller dans des milieux où est-ce qu'on leur offre, par exemple... d'aller visiter la nature, d'aller goûter à différentes plantes ou à différents éléments, d'aller toucher les... Ils vont vraiment sensoriellement découvrir le paysage, découvrir la nature, mais ça, comme je dis, ça peut aller vraiment dans tous les autres secteurs. Donc, les gens, ils recherchent un voyage qui est une interaction entre la culture puis la nature. On veut s'imprégner du milieu. On veut aller chercher quelque chose de nouveau. Puis, ça, dans le fond... C'est comme je disais tantôt, ça peut s'appliquer à toutes les organisations, mais ça a un bienfait qui n'est pas juste de faire faire participer la personne à travers ça, mais c'est aussi l'image de l'organisation qu'on va chercher parce que ça fait jaser. Donc, c'est la meilleure publicité qu'on peut avoir qui est de passer par ceux qui profitent de ce divertissement-là pour eux qui en parlent à leur réseau. C'est encore plus gagnant que de faire une publicité à la télévision parce que là, on sait que du bouche-à-oreille d'une personne qui est convaincue, d'une personne qui a été satisfaite, va être beaucoup plus... bénéfique. Ça crée le buzz. Exactement. Ouais. Puis, comme je disais... Ouais, ça, je l'ai dit. Puis, souvent, les organisations, ils ont une double mission, qui est d'accueillir le participant, mais tu veux le retenir à travers ça. Ça, c'est une façon. Puis, il y a une conservation du milieu, une conservation touristique qui sert à présenter à travers cette façon-là. À travers aussi l'interprétation, c'est une approche scientifique, si on veut, qui va aussi sensibiliser les touristes à des nouvelles préoccupations. Vous connaissez l'île de Maïgan? Mm-hmm. Ben, c'est un peu le même principe. Là, on a eu des chercheurs qui sont allés chercher de l'information, qui sont allés chercher des photos ou autre, parce que là, on ne peut pas y accéder. Mais ils peuvent-tu ramener des souvenirs aux autres? Je ne me souviens plus. Mm. S'ils ont des affaires, ils ont en quantité bien limitée. Là. Mais des fois, ça va être des chercheurs qui sont allés au loin, qui vont ramener des éléments, que la personne, c'est la seule place qu'elle peut y avoir accès pour le voir en vrai, pour y toucher, pour l'essayer, dans le fond. Donc, les participants, on se rappelle, ils ont vraiment une grosse attente de faire partie du spectacle, de faire partie de la visite. Il donnait aussi, dans l'article que j'avais lu, l'article scientifique, qu'il y avait quatre gros éléments à prendre en considération quand on voulait se servir de l'interprétation dans le milieu touristique. Premièrement, il faut être agréable pour le client. Ça a l'air bien, bien logique et naturel de dire ça. Sauf que l'accueil pour le client ou la façon d'aller chercher par la publicité va faire toute la différence. Souvent, un mauvais accueil ou une mauvaise présentation tout au long de la visite va nous choquer plus que d'autres choses et c'est plus de ça qu'on va se rappeler que du contenu. Donc, de miser sur l'accueil, de miser sur le personnel qu'on met en place pour qu'il soit formé puis qu'il fasse vivre. Parce que, un peu comme le prof qui a un impact sur le cours qu'il va donner, ben ton guide va avoir un impact sur la visite que tu vas vivre. Et ton guide, même si le sujet t'intéressait plus ou moins au départ, un bon guide va réussir à capter ton attention, va réussir à te garder jusqu'à la fin, puis il va faire en sorte que tu vas aimer ça. Donc ça, c'est le premier élément, être agréable avec les touristes. On conseille la même chose aux chroniqueurs de l'Assemblage Requis, tu vois. Ça fonctionne avec Marie-Laurence, c'est sympathique, oui. Fais des accueils, fais de l'accueil, tout ça. Le deuxième élément, c'est d'être pertinent, d'avoir de l'information soutenue. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'ils auraient pu, au bout de leurs doigts, trouver ça sur Google, puis qu'ils perdent leur temps. Ouais. Je fais encore un parallèle. Par exemple, un cours de 3 heures, que tu as l'impression qu'en 20 minutes, il aurait fait le tour s'il n'avait pas étiré ça. Ou encore que tu aurais lu le livre ou ses PowerPoint chez toi et ça t'aurait pris moins de temps. C'est fâchant. La personne, il faut qu'elle en aille pour son argent. Même si c'est gratuit, il faut qu'elle en aille pour son argent. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Puis il faut que la personne retienne le contenu que tu vas lui donner. Sinon, c'est agréable 2 minutes, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est d'y aller par différentes approches à travers le contenu. C'est d'y aller avec des anecdotes, d'y aller avec une explication des fois plus théorique, d'y aller avec des exemples. Des jeux de mots poches. D'y aller, tu sais, des fois, de s'imprégner, par exemple, on va essayer un costume de l'époque, on va toucher à l'épée, peu importe. La mise en scène. La mise en scène a un gros impact, mais ça, je vais vous en parler dans un autre point. Sacrifier la chèvre. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Note. Ensuite, le troisième point, qui est d'être organisé puis structuré. Parce que t'as beau avoir, encore une fois, toute la bonne volonté du monde, t'es un bon guide, t'es souriant, t'es accueillant, t'as de l'information à pu finir, mais t'es mélangé dans ton information. Puis ah oui, j'ai oublié de vous dire, puis là, tu ramènes ton info, puis là, tu t'en vas dans toutes les directions. À un moment donné, c'est difficile à suivre, c'est difficile à retenir. Et une fois que t'as perdu l'attention des gens, c'est difficile à recapter. C'est dès le départ, tu veux avoir leur attention, mais après, tu veux qu'ils restent avec toi. Là, je parle de pas juste rester et suivre le groupe, mais rester mentalement, être à l'affût, poser des questions, s'intéresser à ce que tu racontes. Puis, le quatrième élément, qui était un peu comme le sacrifice de la fève, je fais des liens sur ce qu'il n'y en a pas, qui est d'être lié à une thématique. On remarque de plus en plus que les éléments d'interprétation, les gens vont mettre en place des thématiques. Des fois, on prend pour acquis que ah ben oui, mais on est dans la nature, c'est déjà plus spécial qu'être dans une salle. Mm-hmm. Non, il faut aller plus loin que beach ça. Beach party, pareil. Toujours. Toujours le beach party. Mais c'est important la mise en place d'une thématique parce que c'est le petit plus ajouté. C'est l'élément, si on veut, qui va les faire décrocher de leur quotidien, qui va les faire décrocher qu'ils sont dans le lieu où ils sont, mais qui va les amener dans, si on veut, peut-être pas un monde imaginaire, mais qui va les rendre dans une expérience le temps de la visite. Dans une bulle. Donc ça, c'est les 4 éléments qui étaient vraiment importants à mettre de l'avant. Donc être agréable, être pertinent, être structuré dans son organisation et être lié à une thématique. Puis, je rappelle un élément qui est des plus importants, qui n'était pas mentionné à travers l'article, mais que c'est un peu ça que j'en ai déduit depuis que je suis scientifique. Non, mais c'est vrai que dans le fond, la grosse conclusion à travers un texte de ce genre-là ou une réalité comme ça, c'est de faire comprendre en 2014 aux personnes pourquoi ils devraient sortir de chez eux. Parce qu'on est tellement habitué d'avoir tout à cuit dans le bec. Ben oui, tout cuit dans le bec, tout à proximité, qu'on se dit, ben, juste aller sur Internet. Il y a même des visites de musées sur Internet maintenant. Fait que les gens, on a de la difficulté à les faire sortir de chez eux. Ils peuvent tout faire de leur salon avec Internet. Ils peuvent dire, je vais m'entraîner, je vais aller chercher un programme d'entraînement sur YouTube. Je peux aller... Tout est possible à faire par Internet. Alors, pourquoi ils sortiraient de chez eux, premièrement? Pourquoi ils paieraient? Pourquoi ils prendraient leur voiture pour faire 1 heure de route des fois pour se rendre à un lieu de visite? C'est ce petit plus-là et ces informations-là qui vont faire « Regardez, je vais vous accueillir d'une manière que vous allez vous souvenir. Vous allez avoir le goût tout le long de la visite d'être parmi nous. En plus, vous allez avoir de l'information qu'on trouve pas sur Internet parce que c'est des anecdotes de la ville, c'est des anecdotes de l'organisation, c'est des anecdotes historiques que personne connaît. C'est un peu le principe de la légende que tu veux avoir l'information puis que tu as l'impression, sortant de là, que tu es le seul à avoir cette information-là privilégiée puis tu essaies de la re-raconter en revenant. Ça marche jamais parce que tu manques des bouts. Mais c'est ça aussi. Puis la thématique qui fait que ben, dans ton salon, tu n'aurais pas eu cet aspect-là ou en allant dans le cours derrière chez vous ou au parc à deux coins de rue, il faut que tu leur fasses vivre une expérience hors du commun. Et en 2014, c'est le défi des professionnels en loisirs de faire sortir les gens de chez eux. Ils sont emportés sur le cocooning. Le cocooning. Ben oui. Voilà. Voilà. Hey, c'était quoi? Agréable, c'était organisé, c'était drôle, c'était scientifique. On pourrait presque t'appeler Marie-Laurence Sarraudet. Sarraudet. Oui, moi j'aimerais saluer notre technicien, Monsieur Ning. Fait que j'ai dit coucou. Coucou Ning. C'est le stagiaire. Oui, stagiaire. Coucou. Coucou Ning. Coucou Ning. Wow. Ah, extraordinaire. Ça sortait du commun. Là. Oui. C'était tout sauf commun. Marie-Laurence Audet. Le loisir, bien plus qu'un jeu. On se retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement. D'habitude, c'est tout deux semaines. Donc, next week. Ouais, puis on se retrouve dans une autre chronique dans quelques minutes. Moi, c'est ça, tantôt. Mais ça, si on dit ça. Surprise. On va rester en nombre. Hein, ça va être coupé, ce bout-là, pour faire la. Dans un autre bout, ça va être comme. Hé, hey, hey, on se revoit la semaine prochaine! Bye! Salut! Coucou, Ding! Puis là, on arrête ici, puis on continue l'émission. C'est le fun, là! C'est bon, ça marche! Behind the scenes! Oui. Le découpage des nombreuses rediffusions. Alors, Marie-Laurence Audet. Voilà. Tu restes avec nous pour la chronique de la GQTR, tu l'as dit. Avant ça, par contre, en musique, on s'en va entendre. Heem! Ning! Pas Ning! Ah, pardon. Heem! C'est notre autre stagiaire, c'est. Coucou, Heem! Voici Falling à son âge. Yeah! Je suis en train de tomber. On va t'attraper. Ouais. On s'en vient. Venez me sauver! Into the moment, like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. I went in the middle. I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. 'Cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up. And I'll never look back, just hold your head up. And if it gets rough, it's time to gear up. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up. And if it gets rough, it's time to gear up. To make a sound. Hey man, c'était bon. La pièce s'appelle Falling. Au retour, la chronique de la GQTR et c'est un fait. Ah, c'est la chronique qui reste là. C'est une chanson à brasser les épaules. OK, mais notre chanson t'aime aussi. Fait que oui. Je t'invite à faire la même chose. 5, 6, 7 et 8. Wow! Le mime à la radio, là, c'est... Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis. En ce mardi 22 avril 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Charbonneau. On était en congé hier, on était en reprise en fait. Et si vous avez manqué notre spécial Déjeuner au lit avec Assemblage requis, c'est sur assemblagerequis.com que vous pouvez retrouver la balado diffusion et les notes de l'émission. Il y a là-dedans les chroniques La crème de la crème avec Alexandrine Pichessire. Oui, des petits bonheurs. Des petits bonheurs. Bouffe de la semaine avec Steph. Tout est là-dedans. Génial. C'est vraiment le fun. On aime ça. Bref, déjeuner au lit avec Assemblage requis sur assemblagerequis.com. Il y a non seulement toi, Jean-Philippe, et moi, Mathieu Plante. Il y a aussi Marie-Laurence Audet qui est avec nous en studio. Oui, bonjour. Wow! Bonjour. Elle était là tantôt pour sa chronique Le loisir, c'est bien plus qu'un jeu. Mais nous, le loisir, c'est bien plus qu'un jeu. Mais la vie, c'est bien plus que juste le loisir, bien plus qu'un jeu. Tu sais, tu comprends ça? C'est aussi l'âge que t'es heureux. Âge que t'es heureux, âge que t'es heureux. Âge EUQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'âge EUQTA. Parce que l'âge EUQTA, ça pas d'âge. Yo, bleu, bleu. Salut Marie-Laurence Audet. Bon matin. Âge Audet. Pas vraiment, non, pas vraiment. Donc, t'es ici en tant que représentative de la GEQTR. Oui. Et toi qui t'occupes évidemment du poste socio-culturel. Socio-culturel. Mais t'es là pour nous parler des activités et actualités à venir en cours et dans le passé de la GE. Exactement. Donc, je porte mon chapeau de la GEQTR présentement. Vous n'avez pas des casquettes de la GE? Non, c'est Ergo. De... Des oreilles de lapin? Pour pogner le 3 là-dessus. Non, mais écoute, on peut mettre ça dans les prochaines dépenses. Ah, génial! Poste budgétaire. Poste budgétaire à déterminer. C'est pour ces fous. Ils ont demandé ça. C'est fou, maudite gang de fucking. Donc, je suis ici pour vous parler, comme Mathieu le disait, des différentes actualités qu'il y a. C'est certain qu'on est en fin de session, donc il y a une moins grosse liste d'événements à venir. Mais je tiens à vous rappeler ou à vous apprendre que mercredi prochain, donc demain. Le 23 c'est avril. Le 23. Le 23. Le 23 avril. C'est le 24 heures d'études. Ah! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la formule ou qui sont nouveaux à l'université ou encore pour ceux qui n'étaient pas en état de se souvenir de leurs 24 heures d'études, en fait, on ouvre le 10-12, la salle multifonctionnelle du pavillon des Rébeaux-Chemins, pour une période de 24 heures. Donc, de 8 heures le matin demain jusqu'à jeudi matin 8 heures. Et durant ces 24 heures-là, tout va être mis en place pour favoriser votre étude. Donc, il va y avoir différents divans, des paravents, des tables, des chaises, tout pour travaux d'équipe, si on veut, petit groupe, ou encore votre étude personnelle. Il va y avoir sur place du café. On donne le café. Wow! Donc, vous donnez le café? On donne le café. Wow! C'est pour vous aider. Ben oui. Pour aider la concentration. Et c'est de ne pas mélanger 10-12 et 20-48. Donc, c'est pas, on ne déplace pas des gens pour essayer de combiner des affaires ensemble pour faire des matchs. Là. Dans 2048, le jeu. Là. C'est le vrai 10-12. 10-12. Exactement. Okay. Donc, pour vrai, on vous invite en grand nombre. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde, que tu sois au premier cycle, au deuxième cycle. En fait, il faut juste que tu sois étudiant à l'UQTR. Parce que sinon, qu'est-ce que tu viens étudier? Ouais. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y a du café gratuit. Tout est mis en place pour favoriser ton apprentissage. Et c'est souvent plus motivant d'être en groupe pour étudier quand on est tous dans le même bateau plutôt que de se dire qu'on va faire ça chez nous puis là, on se perd sur Facebook ou d'aller dans un café. Puis finalement, on fait juste boire du café puis manger puis aller payer. Mais là, tu peux boire du café, amener ton lunch. C'est gratuit! Oui! Yeah. Tu sais, puis étudier dans un divan, c'est motivant pas mal! Wow, t'as l'Internet gratuit pour ceux qui n'avaient plus l'Internet chez eux. Motivant, toi. Motivant? Motivant. C'est motivant. J'ai compris. Okay. Donc, comme je disais, demain, ça commence à 8 h le matin pour un 24 heures. Le 10-12 est ouvert pour favoriser votre étude en fin de session. Je tiens à rappeler aussi que dimanche prochain, ça va être le dernier CA du conseil exécutif actuel. Ouais. C'est toujours ouvert à tous. Ça vous tente de venir passer la soirée et la nuit à l'université. C'est tentant, hein? C'est le dernier conseil d'administration pour le conseil exécutif 2013-2014. Donc, certains vont quitter et les nouveaux vont rentrer à partir du prochain. Les nouveaux pour qui vous avez tous en grand nombre voté. Exactement. Donc, certains membres du conseil exécutif présentement reviennent en poste, reviennent dans d'autres postes ou quittent. Donc, on voit tout ce changement-là qui va se faire dès dimanche. Mais à travers ça, je veux rappeler qu'il reste deux postes vacants au sein du conseil exécutif. On a le poste de secrétaire général et on a le poste de vice-président aux affaires socio-culturelles. Hey, c'est mon poste. Hey! Hey! Puis, c'est deux postes pour lesquels vous pouvez encore appliquer que vous avez jusqu'à dimanche parce que dimanche, on présente les candidats et ils vont être élus. Oui. Donc, allez chercher une feuille, allez la faire signer. Vous devez avoir une soixantaine de signatures. Venez vous présenter. C'est vraiment une belle expérience. Pour secrétaire général, les tâches, si on veut, c'est tout ce qu'il y a plus à côté administratif et légal. Donc, autant dans les réunions, tu es la personne qui s'occupe des PV, des heures du jour et tout. Tu es un des bras droits du président. Puis, au niveau légal, tu es la ressource, tu es la référence. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac en droit. Si possible, quelques connaissances du code Morin ou de où aller chercher les informations. Mais tout s'apprend, hein? Ça s'apprend. Regardez, j'avais jamais fait de radio avant. J'avais jamais parlé avant. Puis j'en ferai plus jamais. Là, je fais deux chroniques de suite. C'est pas parce qu'il manque de monde. Non, c'est parce que ça me tente. Ben oui, voilà. C'est vrai. Et qu'on t'aime. Voilà. Puis le poste de vice-présidence aux affaires socio-culturelles, qui est le poste que j'occupe présentement et qui va se terminer le 30 avril prochain, donc dans quelques dodos. En fait, t'es en charge de tout ce qui a trait au socio-culturel, à l'organisation d'événements. T'es le récréologue de la place. Mais t'es pas obligé d'être en récréo pour faire ça. T'organises le party de la rentrée, t'organises des activités pour la Coupe des Assos, t'organises autant des activités culturelles et sociales, oui. Dans ça tous les aspects. Non, mais ça peut autant toucher la danse, la musique. Tu veux amener un aspect sportif. Tu veux rassembler les gens. T'es ici pour mettre de la couleur puis dynamiser le campus. Donc, voilà les deux postes qui sont à combler. Donc, 24 heures d'études qui commencent demain à 8 heures et il reste deux postes à combler qui vont être élus en CA dimanche prochain. Donc ça, il faut se présenter au CA. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il faut se présenter au CA pour être Sur ces postes-là ou... Pour ces postes-là, il faut que tu ailles à l'AGE, là, au bureau de l'AGE. Formulaire à remplir. Un formulaire qui est de faire signer 60 personnes. Ça a l'air gros de même, là, vers Chasse-Galerie. Là. Ça prend quelques minutes. Les gens, ils veulent que les gens se présentent. Oui. Tu te promènes avec ta feuille, tu dis « gars, je suis intéressé », ils vont signer, il n'y a pas de stress. En fait, c'est juste pour backer ta candidature comme dans n'importe quel élément, sauf que, contrairement à la politique provinciale, ça te coûte un peu moins cher. Et tu dis que les gens allaient être présentés dimanche. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une assermentation? Est-ce que vous faites ça sur livre de cours, quelque chose comme ça, à la place de la Bible? Ah, on vous promettez de tout le temps être honnête. Puis... on est toujours honnête. Toujours. Sur la tête de Mathieu Roy. Sur la tête de Mathieu Roy. La main sur la tête. Et de son café. C'est ça. Sur la tête de Mathieu Roy. Ah, il te présente un café et tu mets ta main dessus. C'est bon, ça, j'aime ça. Donc, les gens vont être élus dimanche en CA. Si vous voulez assister à ça, on vous invite dès 5h dimanche au local 2077 Ringuet. C'est public. Vous pouvez venir en tant qu'observateur. Si vous voulez prendre la parole, vous allez pouvoir le faire aussi. C'est certain que vous n'avez pas le droit de vote. Vous pouvez assister quand même... C'est vos représentants, donc ça fait partie aussi, si on veut, des droits, mais un peu des devoirs de s'informer. Donc, vous êtes les bienvenus pour le conseil d'administration de dimanche. Super. Et ça va être ma dernière chronique de l'AGE, parce que je quitte le 30 avril. Oui. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de vous annoncer ça toutes ces semaines-là. Ah, c'était plaisant de te recevoir. Ah. Depuis, quand même, depuis peut-être pas le début janvier, mais pendant la session d'hiver. Oui, pendant la session d'hiver, on a alterné Mathieu et moi pour les différentes chroniques de l'AGE. Ça fait toi, Mathieu, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Jusqu'à maintenant. Il y a eu une alternance à un moment donné. Voilà, c'était pas tout le temps moi. Puis, dans le fond, cette chronique-là va continuer d'exister. va être repris par le prochain VP aux communications qui va rentrer en poste dès le 1er mai. Donc, à ce moment-là, vous allez peut-être avoir un nouvel horaire avec, différents sujets abordés avec. Mais pour ma part, je quitte la chronique de l'AGEQTR comme je quitte mon poste à la fin de mon mandat le 30 avril prochain. Adieu! Adieu! Et on te rendrait hommage si on pouvait. Parce qu'on... Mais hommage, nos hommages, tiens, c'est ça que ça veut dire. Nos hommages. Nos hommages. Merci bien. T'as été hommagé. Mais comme je disais, pour ceux qui suivent nos différentes chroniques, je quitte la chronique de l'AGEQTR, mais je reste pour celle du loisir bien plus qu'un jeu. Génial ça, parce qu'on ne pourrait pas vivre sans ça. Ah. Donc on te retrouve. Sans ça, sans conseil d'administration? Non, non, sans non. Sans donc on va te retrouver, ça veut dire la semaine prochaine, c'est mardi à 8h pour le loisir bien plus qu'un jeu. Exactement. Et on aura plus la chronique de l'AGE à 8h30. Ben, ça va recommencer à partir du 1er mai avec la vice-présidente aux affaires, ben, aux communications en fait. Génial, merci Marie-Laurence Audet. Peut-être qu'on aura droit à un scoop de savoir c'est qui ben, est rendu aux sociaux. Oui, ben en même temps, il y a personne aux sociaux, mais... Non, mais on va le savoir la semaine prochaine. Ça va être la personne au com qui va venir faire ça, non? Ah! C'est peut-être qu'on pourrait faire ça. On flirte avec la date. On est le 29, le mardi prochain. Ah! Je pourrais vous faire une chronique bonus la semaine prochaine. Ah oui! Bon, on t'a donné une cachée. On t'a fait nos hommages. Ben, vous les ferez la semaine prochaine. OK, ben on retire nos hommages. On n'était même pas contents de te recevoir, Marie-Laurent. Rends-nous nos fromages! Non, mais c'est parfait, parce que dimanche, dans le fond, c'est le conseil d'administration. On va être le 27. Puis mardi prochain, on est le 29. Ah, oh, il me reste une journée de mandat. Ah, voilà, voilà. Je vous annoncerai la personne élue. Génial. Et je m'en irai. Après, je m'en irai. Je ferai tag team. Clac. Ouais. Oh yeah. Puis après, le reste de la chronique. Bon. Donc, merci encore une fois, Marie-Laurence. Là, c'est assez. Ça fait plaisir. Moi, des fois, les merci pendant 4-5 fois. Merci. Merci. Merci d'exister. Ah, merci. Ah, merci. D'ailleurs, voici une carte. Je trouve une carte, c'est marqué merci. Ta-ta-da. Il y a une petite chanson qui joue. La la la la la. Bon. Au retour, la chronique, c'est un fait parce qu'on est mardi, mais on n'était pas là hier, donc on combine Kinky et c'est un fait dans la même journée. On combine ce qui était hier. Combine ce qui combine. Ce qui combine. Ah oui! Oh, oh. Voici Marc-Antoine Lâche. Comme, c'est un peu comme le bruit que je fais quand je fais ces blagues-là. Lâche! Yes! Dégalasse. C'est un assemblage requis. Dans ton lit trop grand, toi de côté, moi de l'autre, une falaise entre nous. Chaque étreinte est un risque de chute, et c'est moi qui veux tomber. Tu râles. C'était Marc-Antoine Larche et la pièce Les Courants d'air. Toi, toi, que toi. Dire qu'une voix sensuelle comme ça, là. Ouais. Quasiment aussi bon que Larche. Là, Larche pas, JP. Comme Larche pas, ouais, ben oui, ça. Merci. Ce qui nous amène à cet effet. C'est un fait. Oh! C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la qualité des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est une technique un petit peu en rafale. D'habitude, on fait une moitié en rafale, une moitié plus expliquée. Aujourd'hui, on va pas mal avoir le temps seulement pour la rafale. Donc, allons-y dès à présent. Hein? Lorsque les gens chantent fort, tu sais, avec une grande voix, mettons, comme t'as fait tantôt. Ouais. Toi! En tout cas, toi! Donc, lorsqu'ils chantent très très fort et qu'un psychologue les regarde, mais regarde seulement un côté de leur face, le côté que le psychologue regarde, la joue devient rouge plus que l'autre joue que le psychologue ne regarde pas. Wow! Donc la gêne vient du côté que les gens te regardent. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. Donc un artiste pourrait chanter juste d'un côté. Mais c'est peut-être pour ça, les numéros, les célèbres numéros avec le corps en deux, puis d'un côté c'est un homme, d'un côté c'est une femme. Là, mais oui. Peut-être pour ça. Moi je pensais ça. Plus gêné, moins gêné. 97% des cheerleaders sont des filles, des femmes, des dames. Par contre, presque 50% des cheerleaders au niveau collégial, 50% sont des hommes, okay. Des garçons. Qu'est-ce qui se passe? Les messieurs. Je sais pas. C'est pour aller voir. On est trop collège! C'est ça, les collégiens, les collégiennes, ça s'en permet. Toi! Ensuite de ça, le mot à deviner du jour, stealth geek. C'est un mot inventé de toutes pièces, mais qu'est-ce que ça veut dire, stealth geek? Mais là, si t'avais pas prononcé si bien... Fais semblant que j'ai mal prononcé. OK. J'aurais dit, c'est comme une nouvelle bière faite par brassée par Stella Artois pour les geeks. Stealth geek, c'est quelqu'un qui cache ses intérêts nerd, donc dans le fond c'est ses passe-temps nerd, tout en essayant d'avoir l'air, d'avoir l'apparence plus normale ou en tout cas dans les normes. Donc stealth geek, c'est un geek furtif si on veut. Stealth veut dire furtif. C'est un geek ninja. Un geek ja. Voilà. Nicole Kidman souffre de lépidoptérophobie. Lépidoptérophobie, qu'est-ce que c'est? Lépido. Merde. Les pidos. Ah oui! C'est ça, elle a un problème de tuyauterie chez elle, dans sa maison, puis il y a plus d'eau. Lépido! Tu l'as eu! Yes. Ça a été long, tu l'as eu! Lépidoptérophobie, c'est la peur des papillons, tout simplement. Ah! Tout simplement. Un hippopotame, je crois qu'il ne faut pas faire de liaison quand il y a un H au début. Hein? Donc, un hippopotame peut ouvrir sa bouche assez grande pour faire entrer un enfant de 4 pieds. OK. De haut, à l'intérieur de sa bouche, un hippopotame. En Thaïlande, les policiers qui ont un mauvais comportement, donc qui jettent des affaires à terre, leurs déchets, qui se stationnent illégalement, doivent porter un petit genre de... Pas un bracelet, ben oui, un bracelet, parce que dans un bracelet, il y a bras. Hein? Un brassard. Un brassard, si on veut, avec Hello Kitty dessus comme punition. C'est cool, hein? Oh. Ça les met dans les catégories des vilains. Un petit peu, ouais, déviants aussi. Des vilains déviants. Des vilains déviants et la marque d'eau éviant. Les chevaux, on passe aux animaux. Les chevaux galopent à une vitesse d'environ 27 000 à l'heure, 44 km/h, oui. OK. Pas pire, 44 km/h, les chevaux. Moi aussi, quand je suis en forme, je fais ça, Mathieu. Pas pire, t'es bon. la vitesse de sprint la plus rapide pour un cheval, d'ailleurs, 88 km/h ou 55 000 à l'heure, donc c'est le double de sa vitesse normale. Quand même. Moyenne. Une pinte de lait au supermarché peut contenir le lait de plus de 1000 vaches différentes. OK. Donc, on va pas directement prendre le lait de la vache, le mettre dans pinte direct avec l'étiquette dessus. Mais non. Pas de même, ça marche. Puis là, faut pas commencer à dire merci aussi à toutes les vaches, là. Ouais, là, c'est parce que ce serait long un peu. Là. La vache! Ah, la vache! C'est long, la vache! Les vaches d'aujourd'hui, on reste dans les animaux encore. Oui. La vache d'aujourd'hui va produire 4 fois plus de lait en une année qu'au début du 19e siècle. Ah, les vaches modernes. Les vaches modernes, c'est ça. mais c'est ça, on ambitionne peut-être un peu. Je pense que les vaches sont pas nécessairement toutes bien traitées. Il n'y a pas un nouveau magazine aussi qui va s'appeler Vache d'aujourd'hui? OK! OK! Yeah, bye bye. Oui. Les vaches qui ont des meilleurs amis vont se stresser lorsqu'ils vont être séparés. Oh. Mais comment tu fais pour les reconnaître? Genre, ils ont des best friends dans le cou, là. des petites bagues avec, tu sais, séparer le cœur en deux morceaux. Ben oui. Ah. Triste. Oui. Ouais. Je suis en forme, là. Ben, t'es en forme, là. C'est vache aujourd'hui, je sais pas trop ce que t'as. Malgré toutes les émissions de cuisine à la télé, hein, un Britannique moyen va cuisiner à peu près la moitié moins souvent que dans les années 80 et ne connaît que 4 recettes, le Britannique moyen. On peut s'attendre, j'imagine, à ce que ce soit pareil dans d'autres pays, peut-être pas ici, mais bon. Donc, 4 recettes en général pour le Britannique moyen. Dont un œuf cuit dur. Et un grilled cheese. Un grilled cheese. Et un pot de ramen, un plat de ramen. Devine maintenant la seule femme du domaine de la musique qui a eu un single numéro 1 sur Billboard dans les années 60, les années 70, les années 80 ainsi que les années 90. Une seule femme dans le domaine de la musique. Le premier nom qui viendra en tête, ça serait comme Madonna. Non. Mais c'est une femme aussi, mais pas de la même sorte. Non, mais c'est ça, 60. Années 60. OK, c'est quelqu'un qui est décédé. Non. Non plus. Non, c'est quelqu'un qui a été modifié par des chirurgies plastiques, pas mal. Ben là, je sais pas, ça serait supposé de m'allumer. C'est Cher. Ça serait supposé de m'allumer. Cher. Mais pas dans ce sens-là. Non, pas t'allumer comme ça. Certainement pas avec Cher, en tout cas. Donc, numéro 1 dans les années 60, 70, 80, 90. 2,8 millions. Je sais pas si 60. 60, je crois que c'est avec un duo, il me semble. Sonny and Cher, je crois. Ah, je sais pas, ben peut-être. J'ai pas d'avoir. Ensuite, 2,8 millions de chiens aux États-Unis prennent des antidépresseurs. Oh. 2,8 millions. Chose aux États-Unis. Wow. Contrairement à la plupart des chats, les tigres, ben des chats, des félins. Les tigres aiment l'eau. OK. Je sais pas ça. Ouais, ben. Selon un sondage très important, 74% des enfants disent que les lapins en chocolat devraient être mangés oreille en premier. Oreille en premier. Oreille en premier. OK. Vraiment? Bon. Puis j'ai un chocolat à la maison, puis devine qui a mangé les oreilles en premier? C'est pas moi. Oh. Fait que je vous laisse par processus éminence. aux États-Unis, les mariages qu'on commande par la poste. Tu sais, on peut se commander une femme par la poste, une femme qui vient, je sais pas, de Russie, mettons bon. Donc, les mariages qui fonctionnent par courrier ont un meilleur taux de succès que les mariages traditionnels aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est vraiment déplaisant. Qu'est-ce qu'un prospero? Prospero. Prospère. Oui. Ro. Gros. Voilà, j'ai tout dit. Brian Perrault. Oui. Prospero, c'est quelqu'un qui peut influencer quelqu'un d'autre sans que, qu'il soit au courant. Donc, t'es Prospero quand tu influences quelqu'un et toi, t'es pas au courant. Fait que si, mettons, je te regarde comme ça en mettant un doigt sur la tempe puis en fronçant les sourcils pour que tu dises quelque chose. Joke de vache! Oui! Hey! Je savais. Prospero. Prospero. Les oiseaux ne dorment pas dans leur nid. À l'occasion, ils vont faire des siestes dans leur nid, mais en fait, ils vont dormir ailleurs. OK, dans le nid. Eh ben. un autre mot, là, tu vas tanner, hein, tu me le diras quand t'es tanné. Pre, c'est encore un mot inventé de toute pièce, mais qui existe quand même, qui est accepté. Pre-greening. Pre-greening. Ça, c'est quand, mettons, t'as une surface de golf. Ouais. Puis il faut que tu le mettes vert parce que... Oh non! C'est y a une guerre de voisins. Puis là, tu trouves que le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Oui. Donc, tu le pré-verdis. pré-greening. Ah, OK, pour que ce soit plus vert encore que celui du voisin, mais lui, il va trouver que le tien est plus vert. Oui, exactement. Ah, ouais. Donc, pre-greening, c'est quand tu avances tranquillement, quand tu es à la lumière rouge, que tu attends qu'elle devienne verte. Ah, OK. Un petit coup. Une nouvelle étude nous apprend qu'on commence à perdre un petit peu de notre fonctionnalité, de notre cerveau. Notre cerveau commence à vieillir, à perdre de ses fonctions. Donc, il va en déclin relié à l'âge, à partir de l'âge de 24 ans. Oh non! Ton cerveau s'écroule. On est en plein déclin. Oh, come on, en plein déclin, certains plus que d'autres. Oui. Ouais. Ça explique tellement de choses, Mathieu. Là. Tellement la qualité de l'émission. ce qu'on appelle un Beatles, c'est un scarabée. Un scarabée, Beatle? Donc, un scarabée rhinocéros peut soutenir jusqu'à... Non, c'est une coccinelle. Coquerelle. Non. Coccinelle. Coccinelle, non, Beatle. Oui, Beatle. Je pense que tu as raison. Quand, il faudrait vérifier pour être sûr. T'as un peu plus sûr. Je pense que tu as raison, c'est une coccinelle. Oui, la Beetle, évidemment, la voiture, merci. Ben oui, c'est ça, c'est une coccinelle. Ouais, donc, dorifore, ben ça dit carabée. C'est scarabée. On vient avec un scarabée. Donc, un scarabée rhinocéros peut soutenir jusqu'à 850 fois son propre poids sur son propre dos. C'est comme si un homme transportait 76 voitures familiales sur son dos. Donc, c'est le scarabée. Ou coccinelle rhinocéros. Moi, j'irais plus sur scarabée. Par rapport à la force. Ouais, ben c'est ça. Puis, c'est ça. C'est un type. J'imagine qu'une coccinelle, c'est un type de coquerelle. De quoi? De scarabée. De mais scarabée, ça se peut. Mais on n'est pas des animaliers ici, mais ça aurait du sens, tout ça. Bref, au total, on dit qu'il y a environ 400 millions de chiens dans le monde. 400 millions. 400 millions. La sorte de chien la plus populaire au monde, la plus enregistrée, en fait, dans le monde, les médailles et tout ça, ce serait quoi, selon toi? bah, peut-être un... J'imagine que c'est quelque chose qui est populaire... J'hésite entre quelque chose qui est populaire en Amérique ou quelque chose que je connais pas du tout, genre ailleurs. Ce serait populaire ailleurs en Asie, mettons. Ouais. Non, je dirais que c'est populaire aux États-Unis en Amérique. Ouais, genre Labrador. Labrador, ouais. T'es tombé dessus. T'es tombé dessus exactement du premier coup. Labrador, bravo. Tu savais, ben ça, c'est vraiment juste en bref. Il y a un paquet de fake, je pourrais vous dire là-dessus, mais... Je le ferai pas. Hein. Que c'est le 25e anniversaire du Game Boy. Ah, oh, oh, t'es-tu sérieux? C'est vrai. Donc, allez voir de 1989 les publicités sur assemblagerequis.com. Je sais pas ce que j'ai cette année. J'ai le goût de jouer au Game Boy. Hey, l'année passée, donc, il y a deux ans, je me suis racheté un Game Boy. Ah oui? Ah ouais, c'est ça. Game Boy, le FIP, là, Advance SP, okay. qui s'ouvre en petit Parce que je suis allé chez mes parents pour Pâques, puis on a fait un petit tour, puis j'ai vu mon ancien Game Boy. Le gros, là. C'est le un gris, gros, là. Ben, il est noir. Okay. Il est très foncé. Okay. Il est en noir et blanc, évidemment. Oui. Mais il est immense. Oui. Tu sais, c'est 20 fois iPhone. C'est tellement fun. Pour vrai, moi, je pense que Game Boy, ça peut pas être battu en termes de console portable. En tout cas, j'adore ça. C'est la 3DS n'arrive pas à la cheville du Game Boy. C'est juste trop cool. et donc, voilà pour le 25e anniversaire du Game Boy. En Amérique du Nord, on a moins. Ben, en fait, ouais, c'est ça. On a moins. On s'inclut là-dedans, en Amérique du Nord, quand même. Donc, on a moins d'un 16e. De la population entière du monde. Un 16e de la population entière du monde, mais plus du tiers. De l'espace. Non, du poids. Ah! Du poids, Jean-Philippe. Oh, mon Dieu. Un 16e de la population et le tiers du poids, c'est ridicule. Juste en Amérique du Nord. Voilà pour cette première partie de C'est un fait. On va avoir le temps finalement pour une deuxième petite partie tantôt. Okay. Quelques secondes, juste après la pause de qui s'en vient juste là. Donc on la prend et on revient avec plus d'assemblage requis et plus de C'est un fait. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis et il se nomme Jean-Philippe Charbonneau. Et il se nomme Mathieu Plante. Merci. On est en direct ou en différé des studios de CFO à Trois-Rivières, mais notre spacieux studio est toujours là pour vous, oui. Pour vous accueillir avec du bon contenu. Il nous reste Alexandra Cagnon, tantôt le temps d'une culture. Oui, c'est ça. Mais avant, on a l'occasion, on a l'opportunité, la chance inouïe, hein? De faire une deuxième partie de C'est un fait. Donc, on y va à l'instant, puis on va rechanter encore un peu. OK. OK. C'est un fait, c'est un fait. T'as inventé d'autres paroles. Des affaires qui sont vraies. Selon Internet. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables, tu l'as dit, selon Internet. Oui. On va faire nos propres recherches une fois de temps en temps pour s'en assurer, mais les sources, soyez, tenez-vous là pour dit, hein, sont toutes sur assemblagerequis.com. En bas de chaque article, il y a un lien source avec la source de l'information. Donc, quand même, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, petit bloc thématique sur les choses bizarres. En fait, c'est les choses que j'ai trouvées les plus intéressantes, mais des choses bizarres particulièrement. Par exemple, on va commencer avec une chose que j'ai mentionnée la semaine passée dans la chronique, les instructions d'assemblage avec Stéphanie Paradis jeudi dernier. J'avais mentionné comme fait dans les instructions d'assemblage qu'il y avait un gars qui était dans le bois, pris depuis des jours en tout cas, et que pour s'en sortir, il avait coupé les lignes électriques pour que les gens viennent le sauver. Okay? Et là, on le croyait pas trop, on se disait qu'il allait pogner un choc sûrement si ça arrivait, et j'ai trouvé les explications pour, donc je vais pouvoir me corriger à délai un peu. Ok, quand même. Parfait. Donc, un homme de Saskatchewan au Canada, tu connais? Oui, Canada. Donc, ça me dit quelque chose. Faisait du bateau un jour, malencontreusement, est arrivé dans de la mauvaise météo un petit peu. Il a fini pris dans le bois pendant plusieurs jours. Il n'y avait presque rien à manger, rien à boire et aucune façon de communiquer avec le reste du monde. Donc, il était sûr qu'il n'y avait aucune façon de s'en sortir. Et ensuite, il a décidé de prendre les choses entre ses mains. Il y avait une hache avec lui. Donc, il a tranché des poteaux de téléphone. Tu vois? C'est le petit fait qui nous manquait, des poteaux de téléphone. Il en a coupé 4. Sachant que quelqu'un de la compagnie d'électricité allait devoir venir arranger les fils. OK. Et ils sont venus. Ben, c'est brillant. C'est en effet très brillant et je leur ai expliqué pas mal mieux que ça si j'avais su ça. Donc, honte à vous, les gens qui préparent les choses que je choisis pour instruction d'assemblage. Donc, ces efforts ont mené à plusieurs centaines de personnes sans électricité pendant 2 jours presque. OK. Mais quand même, ça a fait que le gars a été sauvé. On peut manquer d'électricité pendant 2 jours si c'est pour sauver la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Ben, sûrement. Sûrement. Donc, mais, ouais, c'est ça. Mais y a, en tout cas, ça, il devait être vraiment perdu, là. Dans le bois, parce vraiment. Parce que s'il y a une ligne, il aurait pu suivre la ligne aussi. C'est exactement ce que Steph a dit. Êtes-vous sûr que vous êtes pas la même personne, toi et Steph? Ah, je sais pas. C'est la même phrase. C'est parce qu'on te partage. Ça me semble juste. En fait, je pense que ce bloc d'instructions d'assemblage a joué juste avant nous. Je l'ai pas capté. C'est pas grave. Tu connais les... oui, mais je l'ai pas capté, ce bout-là. D'accord. Tu connais les Hoarders? Il y a des émissions de télé où on voit les gens qui collectionnent des affaires dans leur maison, puis c'est rempli d'insectes. Désordre. Tes désirs sont désordres. Ouais. Donc, le hoarding qui est réel, un vrai problème. Mais avant que la population en général soit au courant que ça existe, il y avait 2 frères qui étaient connus pour leur comportement assez particulier. Parce qu'on s'entend que les émissions de hoarders ne font que créer plus de hoarders. Ben oui. On s'entend, tu vois ça à TV, tu fais comme un crime aussi, j'ai ce syndrome-là, puis tu te mets à rassembler des affaires toi aussi. Puis, tu sais, ça allume, ça éveille des affaires, des fois, les émissions de télé. Donc, Homer Lusk Collier et Langley Wakeman Collier vivaient à Manhattan à la fin des années 1800 au début des années 1900. Étant donné qu'ils étaient rarement vus en public, les rumeurs n'arrêtaient pas de sortir de partout. Donc, on disait qu'ils ramassaient de façon compulsive les meubles, livres, instruments de musique et plusieurs autres articles. Et ensuite, ils installaient des pièges dans leur maison pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui vienne les voler. Les 2 fils allaient à la même université, l'Université Columbia. Un étudiait la loi et l'autre l'ingénierie. Les 2 hommes étaient excentriques, sont devenus un petit peu comme retirés de la communauté. En 1917, après avoir ne pas avoir payé leur facture d'électricité, entre autres, et de téléphone, leur téléphone a été déconnecté. En 1928, leur gaz, électricité et eau ont été déconnectés aussi. En 1947, la police... Ça, c'est parce que là, évidemment, ils étaient probablement morts à ce moment-là. Donc, en 1947... La police a reçu un tuyau, un conseil disant qu'il y avait un corps décédé dans la maison. Ils sont entrés par force. Évidemment, il y avait des pièges partout encore. Ils ont dû chercher en dessous des montagnes de déchets pour trouver le corps qui était mort probablement de malnutrition, déshydratation et arrêt cardiaque. Et le mois suivant, un travailleur a trouvé le corps de Langley, donc son frère, à 10 pieds environ d'où l'autre avait été trouvé. Et on dit que le deuxième était mort parce que les objets lui étaient tombés dessus. Il y a des débris qui lui étaient tombés sur la tête pendant qu'il amenait de la nourriture à son frère. Oh! Hoarders. Wow. C'est jamais ben le fun, ces histoires-là. Regardez pas ces émissions-là. Pour vrai, c'est juste moi, ça me fait peur, regarder ça. Oh. Je trouve ça trop dégueulasse. Oh, c'est vrai que c'est terrible. Des souris, des scarabées et autres coccinelles. est-ce que tu connais l'effet du cobra? Non, je connais la prise du cobra, là. Je connais l'effet du gros bras. Big. Donc, le terme effet cobra, c'est une situation qui est empirée quand tu essaies de l'améliorer. Okay. Donc, pendant l'époque coloniale britannique, est-ce que je traduis ça correctement? J'en suis pas certain. Mais en Grande-Bretagne, il y avait un gros problème. On avait des cobras. Okay? C'est une espèce de serpent, évidemment. Donc, éventuellement, la situation était vraiment à son pire quand le gouvernement britannique a décidé d'offrir une prime pour les serpents morts. Donc, au début, c'était un succès. Plusieurs serpents ont été amenés et un grand pourcentage de la population de serpents a disparu. Il y avait des serpents partout. Ils donnaient une prime, une offre d'argent et ils ont réussi à en ramasser. Par contre, les gens commençaient à garder les serpents pour eux et les faire s'accoupler. Comme ça allait continuellement procréer d'autres serpents et ils allaient faire plus d'argent. T'sais. Donc, le gouvernement britannique a essayé d'arrêter ces opérations-là en enlevant la prime, ce qui a dérangé les fermiers, les gens qui, eux, accouplaient les serpents, c'était leur job. Bref, donc, ils ont pris leur revanche en libérant leurs serpents dans la population, dans la communauté. Donc, à la fin, le gouvernement avait encore plus de problèmes de serpents. Et donc, ça arrêtait pas d'empirer la situation. Un autre exemple, c'était au Vietnam où le gouvernement payait les gens pour tuer les rats parce qu'il y avait une surpopulation de rats. Des personnes qui étaient un petit peu, croches, coupaient les queues des serpents pour pouvoir ramasser l'argent sans limiter leur futur revenu. Donc, je sais pas comment ça fonctionnait, mais sûrement qu'ils devaient couper la queue de la souris. Ils l'amenaient pour faire échanger contre de l'argent parce que, bon, regarder la queue, ça veut dire qu'il est mort. Mais il est pas mort, il a juste plus de queue, puis ils peuvent continuer de procréer, tu sais. Hein? Comme des souris. Ben oui. Hein? Bon. UPS a essayé de s'insérer en Allemagne, mais ils n'ont pas tellement eu de succès. On dit « Qu'est-ce que le brun peut faire pour vous » dans leur slogan chez UPS. Et ben, Colin, pour commencer, ils peuvent changer leur couleur d'habit en Allemagne. Les uniformes bruns de UPS, ça n'a pas tellement bien fonctionné à cause de leur ressemblance aux uniformes des groupes nazis, des groupes de jeunes nazis, Nazi Youth Groups. Donc, UPS a essayé de prendre l'expansion en Allemagne en 1976 Ils ont dérangé les personnes dans la localité avec leur chemise brune. UPS a décidé de changer leur uniforme pour des uniformes verts dans ce pays-là. La couleur brune, à l'origine, est un exercice en pragmatisme, comme on le dit, parce que c'était plus facile de se promener et de pas voir les taches sur les costumes, parce que brun, ça empêchait les taches de bouette, etc., qu'il y avait pendant les livraisons. Bref, à l'origine, le cofondateur Jim Casey voulait avoir des camions jaunes complètement. Mais Charles W. Soderstrom a réussi à lui faire changer d'idée avec cette logique-là. Les camions aussi sont bruns, vous l'avez vu, donc eux aussi, ça empêche, ils empêchent de voir les saletés. Parlant de vert, revenons au vert en fait. UPS est devenu un petit peu plus vert. Ils ont optimisé leur route de livraison. Ils ont optimisé ça pour faire le plus de tournages de virages à droite, qu'à gauche. Donc aux intersections, à la place d'attendre pour tourner à gauche, ils peuvent juste tourner à droite même quand ils sont sur une lumière rouge. Ils ont réussi à économiser 10 millions de gallons de gaz pendant la première année, ce qui a fait qu'ils ont récupéré 35 millions de dollars qu'ils auraient dû dépenser de plus, 35 millions de dollars. Donc si vous êtes un conducteur et que vous voulez économiser de l'argent, arrangez-vous dans votre parcours pour tourner à droite. Mm-hmm. Ou à long terme, évidemment, pas à court terme. Non, c'est ça. Et pourtant, vous n'allez pas remarquer grand-chose. Le plus grand mur, le plus haut mur du monde, avec rien dessus, est sur un bâtiment à Manhattan. Une bâtisse de 29 étages qui n'a aucune fenêtre. OK. 33 Thomas Street, c'est l'endroit de l'ancienne bâtisse AT&T Long Lines Building, construite en 1974, 550 pieds de hauteur dans le borough de Manhattan. C'est un exemple de style architectural brutaliste qu'on appelle, donc aucune fenêtre et c'est seulement un côté de béton, concrete, du ciment. Ah ben. La principale raison d'être de cette bâtisse-là, c'était pour accueillir les équipements de téléphone switching. Donc, dans le temps, on switchait les lignes téléphoniques à la main des fils branchés dans des trucs. Là. Donc, c'était pour ça. Et la moyenne d'un étage devait mesurer environ 18 pieds. OK. Ce qui est pas mal plus qu'un étage habituel. Les planchers sont aussi très, très solides, peuvent soutenir jusqu'à 200, entre 200 et 300 livres de pression sur chacun de ces étages-là, jusqu'en haut de la bâtisse, qui, on le rappelle, fait 29 étages. Il y a 6 gros conduits d'aération, des air ducts, qui sortent du côté de la bâtisse au 10e ou au 29e étage. C'est les seules ouvertures vers l'extérieur. Plusieurs disent que c'est une des bâtisses les plus sécuritaires du monde et pourrait soutenir une attaque nucléaire pendant 2 semaines après l'explosion. Eh ben, environ. Eh ben. Pardonnez-moi. Est-ce que toi, tu tousses à côté puis moi, je t'imite. Merci. C'est Adélé. Ben oui. Non, c'est pas fait ce coup-là. Non. Est-ce que tu connais la sitcom Marié deux enfants? Je connais, mais jamais écouté. D'accord, c'est Married with Children en anglais. Donc, en tant qu'acteur ou actrice, souvent, dans la vie, ce que tu vis dans la vraie vie va devoir être. Va avoir des répercussions sur ce qui se passe à la télé. Bref. Donc, chaque actrice, auteur, producteur, quand une vedette devient. J'ai vraiment mal à la gorge, excuse-moi. Je te pardonne, t'es tout pardonné. Merci, ça va peut-être être le dernier dans mon cas. Donc, chaque actrice, évidemment, à un moment donné, peut tomber enceinte. On ne sait jamais quand elle va tomber enceinte. Est-ce qu'on la cache derrière quelque chose, derrière un panier de lavage? Est-ce qu'on fait semblant qu'il n'y a juste rien qui se passe en lui mettant des gros vêtements, des gros manteaux? Est-ce qu'on l'écrit dans l'émission? C'est ce que Marié deux enfants a dû faire quand Katie Segal, l'actrice principale, est devenue enceinte. En 1991, donc Katie Segal a appris qu'elle était enceinte, mais sa grossesse n'était pas planifiée. Donc, on a dû, évidemment, faire des changements dans l'émission, parce que quand tu le sais à l'avance, tu peux modifier le script en conséquence. Donc, on a écrit sa grossesse, on l'a mis dans l'émission. Malheureusement, 7 mois après le début de la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Ben oui, une fausse couche. Donc, c'était un petit peu trop délicat pour une émission comme celle-là, qui est supposée être très, très drôle. Mais on a été obligé de réadresser le sujet, parce qu'à un moment donné... Faut changer en cours de route parce qu'elle était peut-être pas rendue là. Bref, la grossesse a été décrite comme étant un rêve dans l'émission. On a presque pas mentionné ça. C'était juste à la fin d'un épisode. On a dit, bon, c'était un rêve. Elle était pas enceinte depuis les derniers mois où on voyait sa grossesse dans l'émission. Wow! Quand même. Donc, l'émission ensuite a choisi de ne pas intégrer les deux prochaines grossesses de Katie Segal dans l'émission. À la place, ils l'ont mis absente. Donc, elle était juste pas dans l'émission. Dans un sous-scénario, là, je vous raconterai pas l'histoire. Et on a caché aussi sa bédaine avec d'autres objets, comme on le fait dans toutes les sitcoms depuis. Je pense que les gens ont appris cette leçon-là à cause de Marié deux enfants, que peut-être qu'intégrer la vraie vie dans l'émission, c'est pas la meilleure chose. Des fois, c'est pas... Ouais. Ouais, c'est triste. Leçon apprise, comme on dit. Il y a des défécations sur la Lune et les gens se battent pour les préserver. OK. Quand on pense à la mission Apollo, bon, on sait qu'ils ont laissé un drapeau américain. On a tous vu ça. Par contre, ben, c'est pas la seule chose qui a été laissée sur la Lune. Neil Armstrong a laissé une paire de bottes, une réplique d'une branche d'olivier, des gougounes, je pense, parce que tongs, T-O-N-G, il me semble que c'est des gougounes. Quatre armrests, ça, c'est des bras de chaise. Pourquoi, je sais pas. Et des trucs de collection d'urine. Un marteau. Une couverture isolante et quatre appareils de collection des défécations. Donc, tantôt, on parlait de collection de l'urine, collecte d'urine. Et là, c'est de la collecte de la défécation. Bref, il y a un groupe qui s'appelle... c'est des conservationnistes qui veulent évidemment protéger ces choses-là parce qu'elles sont situées sur la Lune et donc c'est nécessaire de les protéger. Oui. Ils ont peur qu'un jour, les entreprises privées vont atterrir sur la Lune et vont mettre en danger le site où Apollo a atterri, ou à l'Uni. Leur site web... dit que le gouvernement fédéral ils veulent pas assez préserver les choses, ils veulent que les gens agissent. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur le lien via assemblagerequis.com. Oui, mais ça c'est vraiment la cause d'une vie, hein. Ouais, vraiment là, battons-nous pour des ouais. Ouais. Sur la Lune. Hein? Sur la Lune. Sur la Lune, c'est ça, c'est le caca. Oui, c'est le caca. jusqu'à ce que l'Equal Credit Opportunity Act soit signé en 1974, les cartes de crédit n'étaient données qu'à des hommes. OK. Les hommes étaient vus comme ceux qui gagnaient le pain, l'argent de leur famille, qui étaient en charge donc des trucs financiers de la famille. Même les femmes divorcées n'avaient pas le droit aux cartes de crédit parce qu'on présumait donc que si la femme n'était pas capable de garder son mariage... ben, t'es pas capable de garder son argent. Uh-huh. T'es pas capable de s'occuper de ses affaires. Ben, voyons donc, hein? Donc, après le Equal Credit Opportunity Act, après la signature, les femmes pouvaient facilement avoir des cartes de crédit et donc, évidemment, se sont lancées là-dessus comme évident. Il me semble que c'est évident que tu le fais. Donc, les femmes ont maintenant une majorité de cartes de crédit. Le ratio de 5 contre 4. Donc, okay. Plus de cartes de crédit chez les femmes que chez les hommes. Aucun commentaire sexiste permis sur le fait que les femmes vont magasiner avec ça et créer d'autres problèmes financiers. Voilà pour C'est un fait. C'est belle fin. Oui, oui, c'est génial. Absolument. Absolument. Tantôt, c'est la chronique Le temps d'une culture avec Alexandra Carignan. On va remplir les 15 dernières minutes de l'émission. Avant ça, par contre, on s'en va entendre un extrait de Mardi Noir. Voici Palais de Melamine. Peut-être avec une carte de crédit, on va pouvoir se permettre ça, un palais là. De Melamine? Ouais. La mélamine, c'est plus cher. C'est plus cher la mélamine, come on. C'est cheap. Airborne! De Pack 80 à Assemblage Rookie. Vous savez, vous êtes impatient, en fait, parce que là, tout le temps, on regarde sa montre à chaque deux minutes. Puis, des fois, t'as l'impression que le temps avance pas. T'sais. Mais là, il avance un petit peu. T'sais. Donc, c'est le temps d'une culture. Mais, il est rendu. L'attente en vaut toujours la peine avec Alexandra Carignan. Bonjour. Bonjour. Hello. C'est le temps de culture. Eh hey, oui, hein, c'est le temps de culture cette semaine. Il y a du stock, il y a du stock, mes amis. Je vais vous dire, il y a des affaires. Je d'accord. Sais pas, il y a du stock. Stock, en anglais, c'est du bouillon, comme du poulet. Il y a du bouillon. Il y a du bouillon. Il y a du bouillon stock. De poulet cette semaine à Trois-Rivières. Mais tout d'abord, en fait, je voudrais juste faire un bref retour sur la semaine dernière parce que c'est important d'y revenir. Il y a deux choses qui se sont passées d'extrêmement importantes. Lundi, c'était la finale de la lutte. Ben oui, c'est fini. Oui. Et selon moi, c'était le meilleur match de l'année. C'était vraiment un bon match. Si vous n'étiez pas là, vous devriez pleurer en ce moment. Bon. Parce que les deux équipes, c'était les oranges contre les rouges. Les deux équipes étaient en feu dès le début de la game. C'était un... En fait, l'arbitre Jocelyn a commencé avec une fusillade. Et dès le départ, une dès fusillade. Le départ okay. Et dès ce moment-là. On sait que des fois, les fusillades peuvent être difficiles, que c'est plus pour casser la glace. C'est pas nécessairement des bonnes impros, mais bon, c'est nécessaire. Mais là, tous les joueurs étaient vraiment en feu. Et ça a annoncé vraiment un match où est-ce qu'on n'allait pas se démarquer par la compétition, mais bien par l'originalité. Donc, ça a été vraiment intéressant. Finalement, ça s'est terminé par un score de 10-6 pour les Rouges. Oh! Alors, les Rouges qui sont les grands gagnants de la Perle 2013-2014. On a vu le trophée et tout ça, c'est vraiment grandiose. Oui, c'est grandiose. C'est pris. Et d'ailleurs, mentionnons que le capitaine, Jean-René Cocotte-Boutin, a, en 4 ans à la lutte, gagné 3 coupes. Avec des couleurs différentes d'équipe, j'imagine? Oui. La seule fois qu'il a perdu, c'est l'année dernière, contre les Bleus, qui étaient quand même Louis-Étienne Villeneuve et Maxime Tanguay. Rien que ça. Mais donc, il a battu le record. Mais en fait, il a égalé Maxime Tanguay, qui avait gagné. 3 coupes aussi. Ben, c'est ça, ouais. Donc, mais Maxime l'a fait en 5 ans. Bon. Mais bon, moi, je dis rien. Donc, Jean-René Cocotte-Boutin qui a gagné avec son équipe la Luitre. Ben oui. Et le mardi, c'était la première demi-finale de la LIM. Donc, on allait avoir 50% du spectacle de la finale. C'était les Mauves contre les Verts. Et finalement, ce sont les Mauves qui se rendent en finale. Donc, l'équipe d'Alex Drouin, Samantha Bérubé, Alex Gauthier, Hélène Martin. C'est du ça, calibre, c'est on calme. S'entend, c'est du calibre dans cette équipe-là, pour vrai. Là. Ah oui, pour dire. Vrai, c'est vraiment une bonne équipe. Ouais. Oui. Oui, c'est tout. Alors, c'est eux qui vont se rendre en finale. Les vétérans. C'est des... Oui, ben certains, certains. Ouais. Samantha Bérubé, qui est nouvelle cette année. Oui, c'est vrai, mais mettons qu'Alexandre Gauthier, Alex Drouin et Hélène Martin, tu mets ça ensemble dans la même équipe. Ça fait du... Ça n'a pas grand-chance au monde, c'est ça. Ça fait de l'énergie sur le bord. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir l'autre 50% de la programmation de la finale, eh bien, c'est ce soir à la Maison de la Culture, puisque c'est la deuxième demi-finale qu'on retrouve à 20h à la salle où fait les poissons. Ce sont les Blancs contre les Oranges. Donc, moi contre mon copain. Alors, un seul va coucher sur le divan ce soir. Dans la statistique, oui. Ben, il y a 50% de notre couple qui va faire partie de la programmation. Oui. Alors, oui, donc ça va se décider ce soir. Les Oranges contre les Blancs à 20h. Ça va être vraiment un bon match parce que on est deux équipes, on est quand même sweet. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est faire un bon match et non pas se rendre à la finale. Tu sais, ça fait que selon moi, ça va être vraiment un bon match et vous allez vouloir y être. Est-ce que c'est pour ça que Maxime Tanguay va se faire couper les cheveux? C'est pour ça? Je sais pas. C'est aujourd'hui, ça? Ben oui, c'est aujourd'hui qu'il va se faire couper les cheveux. Pour ça, c'est clair. C'est peut-être une de ses techniques secrètes. Il veut plaire physiquement. Ça, c'est pas déstabiliser. Il veut déstabiliser. Non, mais il peut se déstabiliser aussi, là. Parce que le poids, c'est pas pareil avec ses cheveux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, le vent, il pourrait tomber, là. Tu devrais faire couper les cheveux, toi aussi, juste pour être safe, les deux au même pied d'égalité. Mais non. Non? Moi, mes cheveux, c'est non. C'est non. Juste les bouts? Ben là, payer 20$ pour des bouts. Ben oui, hein, Mathieu? Moi, comment? Là, Mathieu? 20 piastres pour des bouts. Mais c'est pas ma tactique, moi. Les bouts. C'est pas ma tactique, moi, pour gagner. OK. J'en ai une, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je peux pas la dire. Coucher avec la juge, non? Non, mais je couche avec le capitaine de l'autre équipe. Oh! Oups, je l'ai dit! Alors, ce soir, trêve de plaisanterie. Alors, ce soir, mardi, à la Maison de la Culture, salle Louis-Philippe Poisson, dès 20h, 5 $ étudiants, 6,50 $. pour les adultes. Ça vaut la peine, pour vrai. Mais les adultes. Les normaux. Les autres. Les normaux. Alors, ça vaut la peine, pour vrai. Venez voir si c'est un des derniers matchs, soit des blancs ou des oranges. Ça va être bon. Bon. Alors, venez. Mercredi, demain... Oh, là, je vous taquine parce que je vous parle d'un spectacle qui est sold out, donc qui est complet. C'est celui d'Alex Nevsky. Donc, Alex Nevsky qui vient faire son tour à Trois-Rivières. C'est la troisième fois qu'il vient. Il était déjà venu à la salle Le Poisson il y a 2 ans à la salle Anaïs Alain-Rousseau avec la tournée Loto-Québec. Et il revient avec son deuxième album, Himalaya Mon Amour, qui a été, ma foi, un succès radiophonique inattendu. Je suis très contente pour lui. Je ne pensais pas que ça allait être aussi... Il a passé à la voix, on va se le dire. Aïe, aïe. Pas que j'écoute ça. Non, mais il a commencé ici avant, c'est oui. Que je veux dire, là, bien avant. Ben oui, ben moi j'ai usé son premier CD avant d'écouter son deuxième. Alors, donc, ce dernier, c'est pourquoi il est complet. Les organisateurs de la Maison de la Culture doivent se dire « Oh non, on aurait dû mettre ça dans la Nice. » Ben oui, mais c'est ça. Trop tard. On sous-estime, c'est comme Lisa Leblanc au Centre culturel Pauline Julien. Alors, ça arrive une fois par année. Cette année, c'est l'erreur Alex Nevsky, qui n'est pas dans la bonne salle. Mais ça va valoir la peine. Donc, si vous connaissez des amis là, qui font « Oh, moi, j'aime bien pour Alex Nevsky, mais je sais pas avec qui aller, moi! » Levez la main, parce que ça va être très, très bon. Donc, Alex Nevsky, mercredi à la salle Louis-Philippe Poisson, pour ceux qui peuvent y aller. Pour ce jeudi, vous avez 2 choix. Donc, vous avez premièrement le choix Slam Poésie, David Goudreau. David Goudreau qui est un trifluvien, je crois. Slam Poésie qui a gagné en France le titre du meilleur slameur. Quand même. Il va sortir son album où est-ce qu'il y a une collaboration nul autre qu'avec Grand Corps Malade. Grand Corps Malade qui ne multiplie pas les collaborations, en mentionnons-le. Mm-hmm. Alors, il a accepté de le faire avec David Goudreau. Son album a été produit par Gaëlle, d'ailleurs. Oh. La belle Gaëlle. Mm-hmm. Elle est belle. Alors, ça vaut la peine. Ça va être au Nord-Ouest, café, jeudi, 21h. Le prix reste à déterminer. Là, eux autres, c'est selon les bands. Là. Donc, ça devrait être entre les dizaines et les vingtaines de dollars. Parfait. Donc, à 21h ce jeudi. Si vous êtes plus improvisation, eh bien là, c'est un rendez-vous au SCABS. Donc, les SCABS du Cégep de Trois-Rivières, mercredi. C'est en milieu de semaine. Mercredi, hey, je me suis trompée. C'est mercredi. Donc, on va couper ça, on va le remettre à bonne place. Ouais. Si vous êtes triste à cause d'Alex Nevsky, allez voir les SCABS. Ah, voilà. C'est réglé, on a un plan B. Allez, mercredi à 8h, les SCABS, ça s'appelle, le show s'appelle 5 David contre un Goliath. C'est 5 SCABS contre Marc-André Fortin. Ah, la bête! Alors, c'est aussi simple que ça. Je veux pas braguer, mais la Luître a un peu fait ce concept-là il y a 2 ans. Donc, c'était les quatre capitaines contre François Laneuville. D'ailleurs, François Laneuville a torché les 4 capitaines. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec Marc-André Fortin. Mais le connaissant, ça se peut très bien qu'il gagne. Alors, c'est gratuit au Loft du Cégep de Trois-Rivières. Mercredi, hein? Oui, mercredi. Mercredi, 5 David contre un Goliath. Jeudi, c'est David Goudreau. Donc, vous allez voir David Goudreau au Nord-Ouest. Vendredi, vous avez une pause. Ça va, vous avez une pause. OK, parfait. On regarde la TV un petit peu. Samedi, par exemple. Oui. Oh là là là là. Samedi, eh bien, l'équipe, le collectif du Vieux P. Ah oui. Donc, qui a joué au Vieux Presbytère de Batiscan, qui est une équipe d'improvisation composée de 5 personnes. 5 humains. 5 humains. En fait, je vous le dis, l'équipe. En fait, c'est moi, Maxime Tanguy, Louis-Étienne Villeneuve, Pascal Chalet-Janson, Laurent Gélina. Et là, Camille Tremblay-Lancette n'est pas là parce que c'était une remplaçante de ben Maxime oui, Tanguy. Elle a été remplaçante de Maxime Tanguay. Donc, pour les nostalgiques de la Luître, là, c'est pas mal l'équipe à voir. Parce qu'on était tous pas mal là au début. Alors, on s'est monté un collectif, on fait de l'improvisation dans les lieux historiques. Et là, on s'est fait inviter à faire de l'improvisation au moulin du coin du lac. Oh. Donc, le vieux moulin seigneurial. Donc, c'est le même principe qu'au Vieux P. Donc, la première partie, c'est dans les salles. Donc, on s'inspire des salles pour faire de l'improvisation. Pas nécessairement à caractère historique. On y va vraiment au gré de ce qu'on veut. Et la deuxième partie, eh bien là, on est dans une salle avec une scène, des chaises pour le public. Et c'est une organisatrice qui va nous sortir des thèmes un peu à la lime. Donc, inspirez-vous pour une grandeur moyenne. Une durée. Alors, tout ça, c'est dans le cadre des semaines de la découverte culturelle. C'est gratuit. Donc, ça va quand même valoir la peine. Et là, j'essaie de trouver l'heure à laquelle on va jouer. C'est en début de soirée, d'habitude. Ben oui, toi, tu sais, oui. 19h, souvent, 20h peut-être. Eh oui, c'est 7h30. 7h30. Ben, tu vois, j'avais les deux. J'avais les deux. Mathieu, impressionnant. Merci. Donc, 7h30 au Moulin, Pointe-du-Lac. C'est gratuit. Allez-y. Réservez, hein, parce que oui. Des fois, on est plein. Oui. On va sortir assez de chaises, tout ça aussi, tout. Eh oui. Ben ouais. Alors, c'est ce qui termine ma chronique. Vous avez tout ça à faire cette semaine. C'est chargé, comme toujours. Sortez-vous un petit agenda, comme Alex. Si vous voulez avoir un résumé, là, j'ai tellement wrap-upé la finale de la lutte parce qu'elle était bonne. Il va y avoir un article dans le Zone Campus. Évidemment. On mentionne jamais assez, mais Alexandra écrit dans le journal Zone Campus aux deux semaines. Il y a un nouveau numéro qui sort cette semaine, aujourd'hui, genre. Ouais, mais mes articles, c'est pas tout ça. Pas tout ça, mais non. Mais quand je vous fais un horaire personnalisé. Lisez-la. Wow. Voilà. En effet, t'es comme notre secrétaire du divertissement. C'est beau, n'est-ce pas? Alexandra Carignan, on te retrouve la semaine prochaine. C'est les mardis à 9h. Yes! Pour le temps de culture, dernière semaine, la semaine prochaine, pour notre émission matinale. Voilà. Nous, on va terminer l'émission là-dessus. C'est comme ça. On est rendu à la fin, même juste parfaitement dans les temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a reçu Alexandra Carignan. On a reçu Marie-Laurence Audet aussi. Oui, merci à vous deux. Merci aux filles. Demain, l'émission, Alexandrine Pichessier sera là pour nous gâter dans son segment La crème de la crème. Justement, la crème de Cindy Gilbert va être probablement ça en matière grasse avec Active Votre Santé. Ouais, c'est ça. Et Stéphanie Paradis va parcourir avec nous le dernier numéro de l'année du journal Zone Campus. C'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Super! CIF.ca. Oui, pour la programmation complète, Mathieu. Oui, qui comprend aujourd'hui le dîner de con à 11h, bien sûr. C'est suivi en après-midi. On est mardi. Faut pas se tromper de jour. Tout le monde qui a eu congé. En après-midi, c'est rock classique à 13h et puis à 19h, il y a animation avec du métal et de l'horaire. Superbe. AssemblageRookie.com. Oui, ça c'est pour les notes de l'émission Les Balados Division. Yeah! Yeah! Pas demain, toi t'es chanceux avec le congé. Ben oui, c'est vrai. Une j'ai émission. Fait relâche. Dang! T'es chanceux, tu sais. Ouais. Une émission pour toi. Demain, ça va être Stéphanie Paradis. Oui. Jeudi aussi. Donc, il nous reste encore quoi? Il nous reste 4 émissions la semaine prochaine. 6 émissions en tout. C'est bien ce que je compte. Deux avec moi. Deux avec toi. C'est vrai. Ah, quand même que ça va passer vite. On se quitte avec une pièce d'Alex Nevsky dont Alexandra Carignan nous a parlé tantôt. Et que vous ne pourrez pas aller voir parce que non. C'est complet. Mais pour compenser, voici On leur a fait croire. À demain. À demain. Papa, on s'est démaquillé. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et bâillonné. On a mis la mort à nos trousses. On a repris, puis dilué. On a troqué l'or pour les sous. On s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos